Et oui, on est là tous les soirs, du lundi au jeudi, 20h-23h, rendez-vous dès demain, on sera là dès 20h et après l'émission, après Love in Fun, c'est Mickaël No Limites, bonsoir. Yes, comment salut. Ça va? Salut Mickaël, bon, ça va bien. T'as écouté, j'espère que t'as... Que j'ai? T'as compris quelque chose dans les positions sexuelles ou pas? Bien sûr, bien ouais. Évidemment. Tu vas appliquer bientôt. Et complètement. Ah bah il teste le pilon dès lundi. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah je pense que quelqu'un testera avant moi, hein. N'est-ce pas Frédéric et Karima? Frédéric, c'est mon chat. Non, c'est le taximan. J'étais pas au courant. C'est le taximan d'hier soir avec qui s'est passé la fin d'histoire. Non, arrête. Bah quoi, bon, mais c'est gros, pas grave. En gros, il faut raconter là. En gros, hier, Mickaël a demandé aux gens quels étaient les surnoms qu'ils donnaient à leurs manches. Leur manche. Moi j'appelle ça un manche. Ouais. Bon, alors mis quoi. Et le chauffeur avec qui j'étais, Frédéric, a dit que le sien c'était le colosse. Donc je me suis empressée d'envoyer un texto à Mickaël pour donner la réaction de Frédéric. Du mec et qui te ramenait en fait. Voilà, exactement, d'accord. Du taxi. Et en fait. Le colosse. Et c'était le colosse. Et du coup, après Mickaël. Qui a fait rêver Karima, évidemment. Hein. Mickaël s'est amusé à dire que voilà, j'étais très attirée par Frédéric. Bah, c'est ce que tu m'as envoyé, donc je comprends pas pourquoi. Et Frédéric nous écoute là. Et j'embrasse Frédéric parce que je repars avec lui. En plus tout de suite. Voilà, juste après Frédéric, tu sais bien, hein, une femme qui dit non, en fait, c'est l'inverse. Et ça veut dire oui. C'est toujours l'inverse. Donc tu lui roules une petite pelle quand elle part, elle va kiffer. Je vous aimais tellement avant 23h01. Arrête. Si je peux me permettre, je tiens à dire que Karima a parlé de Frédéric et du colosse toute la journée. Mais évidemment. Et d'ailleurs, je tiens à dire à Karima qu'il n'y a pas de problème qu'elle me dise exactement à l'heure à laquelle elle prend le taxi. Je m'occupe de la guitare. C'est je mettrai le son. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, j'ai une pensée émue pour lui qui doit être en train d'écouter et pour sa femme. Mais il n'y a pas de problème. Pas de problème, tout est prévu. Bon, allez. À demain. Bonne love story. Bonne love story. Pas de bisous, pas de bisous. Salut, à demain. Salut, ciao. Fun Radio. Mickaël No Limites. No Limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. On est en direct. C'est parti. On se retrouve comme tous les soirs de la semaine dès 23h sur Fun Radio. Parce que ça y est, il y a enfin quelque chose à écouter le soir. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. C'est comme ça tous les soirs, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et puis le dimanche, évidemment, de 20h à minuit. Continuez à le dire à tout le monde, hein, la famille, etc., etc. Les amis, que la famille, justement, Mickaël No Limites. Continue à s'agrandir. Bon, et là il y a quelque chose de grave qui doit arriver comme d'habitude, vous le savez. Mais que se passe-t-il? Ah mon la Dieu. Saint-Valentin arrive. Non. Et si J-9 avant la Saint-Valentin, la date approche. Est-ce que ça te fait peur, Maxime? Allô. Salut Maxime. Salut. Est-ce que ça te fait peur la Saint-Valentin qui approche? Ben un peu. Mais oui, tu vas devoir offrir un cadeau, mais est-ce que ce sera le bon? De toute façon, ce sera pas le bon, hein, quoi qu'il arrive, parce que on aurait pu offrir un truc et puis ah ben non, mais je voulais autre chose. Ouais, mais je dois faire un gros cadeau. Ouais, ben tu crois que t'as besoin de m'acheter, hein? Tu crois que mon amour te suffit pas? Ben bravo. Donc tu vois, au fait, on est toujours emmerdé un peu avec la Saint-Valentin. On sait jamais quoi offrir. T'as prévu un truc toi au particulier ou pas? Ben y a plus d'amour en fait, c'est pas le problème. Ah y a plus d'amour. Bon, comme ça au moins c'est arrangé. Ben très bien. Bon ben reste avec nous du coup Maxime là, on va en parler. Pour passer l'antenne, comme Maxime justement et comme tous les autres qui vont suivre ce soir, n'hésitez pas, hein, vous nous appelez maintenant. Ça se passe au 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis on délirera ensemble sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Sandro a passé une bonne journée. Ouais, très bonne. Bon, toi aussi. Magnifique. Tant mieux. Polo également qui a préparé le pipeau, hein, pour Compiègne. On y sera à Compiègne. On y sera en Picardie tout le week-end. Vendredi, on sera là-bas donc à partir de 21h. Venez nous rejoindre évidemment puisqu'on va faire un kart et un petit laser game ensemble. Et je compte sur vous bien entendu pour venir jouer avec nous. On sera au Speed Park à partir de 21h. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir faire un kart et faire un laser game avec nous. Vous êtes invités, hein. Appelez Sandro maintenant, elle vous file vos places au 01 42 48 5000. Et puis on se fait évidemment la boîte juste après pour faire la teuf toute la nuit. C'est El Patio à Compiègne. Et puis dimanche soir, on fait l'émission à Noyon en direct de chez Olivier, un auditeur, un prof de maths qui a gagné la possibilité qu'on vienne justement faire l'émission chez lui. Donc ça va être très très très très lourd. Il y a également Damien avec nous maintenant de la Ciotat. Salut Damien. Salut. Comment ça va? Ça va. Ça salut. Va. Bon, je te demande pas si tu vas passer nous voir en Picardie. La Ciotat, ça va faire un peu loin. Hein. Ça fait un peu loin. Non, t'es bienvenu. Il n'y a pas de problème. Hein. Si tu veux venir, il n'y a aucun souci. Ce week-end, il y a autre chose de prévu. Donc, ah merde. Bon, tant pis alors, c'est pas grave. Bon, alors, on va se faire la colle dans quelques minutes avec toi. Ouais, c'est ça. Très bien. Et t'as peur aussi de la Saint-Valentin ou pas, dis-moi? Non, ça y est, c'est... Tous les cadeaux sont déjà prévus. Ah, tout est prévu, d'accord, ok. Oh, c'est bon, mignon. Très bien, très bien. Karima s'en va, j'embrasse bien évidemment Frédéric, son chauffeur de taxi, qui va prendre possession d'elle et de son corps. Ils vont s'entrelacer toute la nuit. Ça va être tellement beau, chaud et sexy. Et tomber en panne dans le bois de Boulogne. Ah, évidemment. Bon, et puis on va également s'écouter du son. T'as envie d'écouter un son en particulier ou pas, toi, dame, ce soir? Non, non, pas spécialement. Spécial. Alors celui-là, non. Ça te branche? Pharrell Williams. Allez, vas-y. Très bien, on va se le mettre aussi. Tony Junior. Il y aura nouveau, enfin le dernier Jason Derulo, Marry Me, que je dédicace à Karima et Frédéric, son chauffeur de taxi. Ça va être beau. Oh là là là là là là. Et puis Britney Spears également, Till It's Gone. Si vous avez envie d'écouter un son en particulier, n'hésitez pas bien sûr à demander. C'est comme ça que ça se passe tous les soirs sur Fun Radio, 23h, 2h du matin, du lundi au jeudi, le dimanche de 20h à minuit. Vous demandez les titres, hein, si vous avez envie d'écouter en particulier. Hashtag et Mickaël. Il y a Signoy qui dit bonsoir, si tu veux rien offrir, quitte la la veille et reprends-la le lendemain de la Saint-Valentin, sauf que t'as peu de chances de la récupérer, je pense. Oui, t'as remarqué aussi toi que c'est pas forcément sûr à 100% non plus. Hakim qui dit je suis mort de rire dans mon camion sur le périph. Eh ben salut à toi Hakim et puis tant mieux. Et on va se faire maintenant la colle avec toi Damien, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Allez, bah c'est parti, je rappelle le principe de la colle. Tu vas donc poser une colle maintenant, une question en d'autres termes. Si les auditeurs trouvent la bonne réponse et qu'ils passent à l'antenne, tu perds. Et l'auditeur ou l'auditrice gagnera la Xbox One. Si jamais personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on va appeler n'a pas la bonne réponse ou ne décroche pas, eh bien à ce moment-là, c'est toi qui gagneras la Xbox One. Nous t'écoutons. Allez. Damien, fais péter la colle s'il te plaît. Alors, mon premier est un animal qui aime le lait. Mon deuxième recouvre tout le corps. Qui suis-je? Voilà, on va répéter encore un coup. Mon premier est un animal qui aime le lait. Mon deuxième recouvre tout le corps. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse ou si vous pensez l'avoir, eh bien vous pouvez vous inscrire. Il y a la Xbox One à gagner dès maintenant. Il suffit d'envoyer M-I-K-L suivi de votre réponse au 64-900 par SMS ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et dans quelques minutes, je vous mets également la colle. Comme ça, vous allez pouvoir la lire et y répondre sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKL officiel. On donne la réponse avant minuit 30. Damien, tu restes avec nous. On te récupérera au fur et à mesure, ok? Allez, pas de problème. Allez, à tout à l'heure, Damien. Parfait. Et puis donc, comme je le disais, c'est de Saint-Valentin qui arrive. Une vraie catastrophe, un vrai drame, une vraie angoisse. Oh mon Dieu. Mais oui. Même Maxime, il a peur, évidemment. Donc, je le disais en début d'émission, la Saint-Valentin J-9. Et je viens de tomber sur un sondage qui nous donne le classement des chansons pour pécho à tous les coups. Alors déjà, il y a celle-là. Ah bah oui, oh là là. Bah avec ça, je pense que tu peux pécho directement, non? Tu as un esprit ou un fantôme ou un par exemple. Non. Disons que tu me diras si t'es d'accord, Maxime. Est-ce qu'il y a une chanson toi qui avec laquelle t'es sûr de pécho? Une chanson un peu romantique, tout ça, non? C'est quoi? Allô? Oui, Maxime. Oui. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Une chanson romantique? Ouais, tu en as une ou pas? T'en connais une qui où tu peux draguer à tous les coups? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Eh ben note, c'est pas loin. Dans le numéro 5 des chansons où tu apparemment peux pécho à tous les coups, il y a Juliette Gréco. Certains doivent absolument pas connaître et je comprends tout à fait. Eh bien, je c'est cette chanson-là. Je t'aime, mais... Non, pas celle-là, non. Ah, voilà. Bah oui. Non, c'est quand même dur, hein. Oui, mais pas tout de suite. Alors, voilà, ça c'est la numéro 5 hein, qui arrive en numéro 5. Donc, en numéro 4, il y a Robbie Williams, évidemment. Hein. Avec ça. Ça me donne envie d'aller aux toilettes, moi. Ah non, ça donne envie à tous les Frédéric de pécho les Karima. C'est vrai. Robbie Williams, il dit Rulio Iglesias. Ah bah non, c'est pas Rulio Iglesias, Maxime, c'est Robbie Williams. Bon, numéro 3. Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Oui, je t'aime. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent faire un peu de cul, évidemment. Hein. Voilà. Et puis en numéro 2, il y a Joe Cocker. Évidemment, striptease, tout le bordel, on y va, c'est parti. Et alors, à votre avis, en number one? Pas d'idée, Sandro l'a pas dit non plus. Aucune idée. Eh ben, c'est James Blunt. Ah, bon, ah bah ouais, là tu pécho là. Là tu ah, t'arrives. Ah, c'est romantique. Ah bah bien sûr. Là tu mets ça à fond dans un taxi, t'es au top. Hein. Ah bah attends, évidemment. Bon, qu'est-ce que tu penses toi, Maxime, de ça, là, cette chanson-là? Tu crois que tu peux pécho avec ça ou pas? Bon, je pense que oui, mais... Bon, si. Je préfère la mienne. Ah oui, c'est quoi la tienne? Voulez-vous coucher avec moi? Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit, exactement. Bon, venez nous dire les autres, hein, quelles sont vos chansons préférées pour séduire. Toff, lui, tu vas essayer de séduire avec une bonne petite chanson. Attends, j'en avais une, oh putain, je l'avais calée en plus. Ah, dommage. Ah, bon, voilà. Non. Avoir dans ta pine dans le cul, ah oui. Et qu'on finisse, avoir dans ta pine dans le cul, et qu'on en parle plus. Voilà, hein, oui, et c'est là tu peux le faire, non? Bah je pense, bah, parfait. Je pense que ta meuf elle me dit direct oui. Bah tu m'étonnes. Bon bah dites-nous, quelles sont les chansons préférées justement avec lesquelles vous êtes sûr de pécho? Eh bah vous nous envoyez vos messages maintenant, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, pareil sur le Facebook également, tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre et puis vous appelez le standard 01 42 48 5000 et le 02 851 4x0 depuis la Belgique. On vous attend nombreux et nombreuses comme d'habitude et de plus en plus nombreux et nombreux justement à débarquer tous les soirs sur Fun Radio. Merci beaucoup. Je viens de vous mettre la colle sur le Facebook et le Twitter, hein, pouvez aller voir et y répondre si vous voulez gagner la Xbox One. Et puis bah Maxime, de quoi on va parler avec toi, dis-moi? 25 ans de Castres. Oui, j'ai 25 ans, je suis de Castres. Ouais. Et je suis électricien, c'est application électrique. Ben, ce sont les choses qui arrivent, bienvenue à toi. Merci. Qu'est-ce qui t'amène? Ben, en fait, c'est que il y a quelques jours de ça, ouais, je rentrais d'un chantier, hein, et je suis rentré un peu plus tôt, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ma femme en train de se faire... De se faire quoi? Attendez. Attends, tu dois reprendre ton sérieux parce que c'est pas arrivé. Allô. Ou... Allô. Ouais, Maxime. Oui, je suis rentré, elle était en train de se faire niquer par deux noirs. Oui, Maxime, tu nous as vraiment pris pour des Mongoliens. Mais non, je vous promets que c'est vrai. Oui, en plus tu rigoles. Mais oui, tout en rigolant. Hey, quand vous faites du théâtre, soyez au moins sérieux, essayez de travailler un peu le côté sérieux. Faites des cours Florent avant. Ouais, voilà, essayez le cours Florent, etc. Oui, oui, Maxime. Oui. Oui. J'ai des vidéos qui prouvent que c'est vrai. Alors, envoie-nous la vidéo. Comment? Ah bah sur mon mail, mickaël@funradio.fr. Samira, pour vous dire, c'est Samira Falabala. Voilà, très bien, je m'y attendais exactement et... Oh, qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. Cela dit, on peut en parler parce que je pense que c'est pas le premier à mon avis. Bon, lui, il est un peu con, mais après, pour les autres, ou alors c'est peut-être plutôt l'ami qui est à côté et qui est pas très futé. Bref, quoi qu'il en soit, si jamais vous avez, vous aussi... déjà découvert votre copain ou votre copine en train de niquer avec l'autre. Déjà ne jamais avouer. Ça, oui, c'est jamais, la première chose. Non, mais jamais. Je le dis à chaque fois, il ne faut jamais avouer. Même si vous vous faites griller dans votre copine, enfin, dans la maîtresse plutôt, ou inversement, ne jamais avouer. Ce n'est pas du tout la bonne solution. Donc, continuez. Dites-nous, appelez-nous si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez réagi. Et puis surtout, et c'est vrai qu'on a rarement ce côté-là, on a toujours le mec qui trouve sa copine en train de la tromper ou l'inverse. Mais jamais la copine qui a trompé et qui se fait griller par le copain. C'est vrai. Ou le mec, hein, qui a trompé, peu importe, ça marche dans les deux sens évidemment. Donc appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Il y a Chanel qui dit à quand toi fait sa croix. Bah on attend sa croix. J'attends. Il y a des auditeurs qui nous avaient promis la croix. Donc nous on attend, voilà. Il y a le prince Nadia qui dit bonsoir, c'est parti pour une superbe soirée avec Mickaël, le dieu de la radio. Ouh. Mais je te remercie le prince Nadia. Ah bon. Et 69 degrés qui dit bonsoir tout le monde, en train de vous écouter en révisant pour les examens. Bah, bon courage. Ça va être beau les examens si tu révises en les écoutant. Là, je pense qu'on va être au top. Allez, bienvenue si vous débarquez. C'est Mickaël No Limit. Il est 23h13. On compte sur vous pour venir foutre le feu avec nous jusqu'à 2h du mat. Prévenez vos potes également. On est là tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h et tous les dimanches de 20h à minuit. Puis on va se faire le premier son au cœur d'une heure sans pub. Attention, avec Pharrell Williams, comme promis, c'est Happy sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est là effectivement sur Fun Radio, allez, bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette dimension. 23h17, on est en direct hein, comme d'habitude hein, jusqu'à 2h du mat. Il y a Claire qui dit j'ai déjà trompé mais jamais fait cocu, Happy, c'était mon son préféré. Ah bah cool Claire, j'ai déjà trompé mais jamais fait cocu. Ah je comprends pas, ou alors j'ai déjà été trompé et t'as oublié le mot été, ce qui change toute la phrase Claire. Donc parce que là t'as mis j'ai déjà trompé mais jamais fait cocu. Donc non si ouais, elle a déjà trompé mais elle on l'a jamais trompé. Ouais bon, enfin dans tous les cas il manque un mot hein. Ouais. Pour faire comprendre l'un ou l'autre Claire. Donc elle renvoie l'a le message pas fait hein, Claire. Dans le cul, peut-être. Je sais ah, pas. Peut-être. Il y a Jonathan qui dit coucou, j'écoute en étant sur Facebook et mort de rire à Charleroi, vous êtes vraiment la meilleure radio. Merci Jonathan. C'est vrai. Il y a Jink également ou Jink. je sais pas comment on dit, qui dit: Mickaël, je n'aime aucune des chansons que tu as passées. Une meuf essaie de me pécho avec ça, elle peut retourner d'où elle vient. Oui, mais en même temps, c'est les mecs qui doivent pécho, hein. Marche pas dans le sens pour alors le coup là. Alors tu leur mets un bon Rage Against the Machine ou un Nirvana, mais oui, directement Pogo, tout le bordel. Mais ouais, il y a Mystique qui dit: j'arrive juste à temps pour mon émission préférée avec mes amours. Merci Mystique et bienvenue à toi. Et Margot qui dit: salut bande de pétasses. Salut Margot. Hello également de Jojo, Jojo du 78 qui avait envoyé son message. Et Maëva qui dit: salut la famille, j'ai pas pu vous écouter pendant une semaine, ça mérite un coup de pelle. Et comment? Tiens, voilà, c'est tout ce que tu mérites aussi. Et Camélis aussi, dans une autre dimension, mort de rire. Ah bah oui, là, c'est une autre dimension, je vous le confirme. Bon, en tout cas, vous appelez comme d'habitude, vous parlez de ce que vous voulez, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 si vous voulez taper la discute avec nous. N'hésitez pas, depuis la Belgique, ça fonctionne également. Et puis, bah, hashtag et Mickaël, évidemment. On fera aussi dans quelques minutes le je t'emmerde. Et ça, ça va être du lourd également. Je t'emmerde. Voilà, donc si là aussi vous voulez jouer avec nous, le concept est très simple, on va appeler des gens au hasard, vous serez deux auditeurs à vous affronter. Idéalement, on sait bien avoir un garçon ou une fille, hein. Et puis bah le but, arriver à appeler des gens, tenir le maximum de temps avec des phrases, avec des je t'emmerde de n'importe où. Voilà, le plus, au plus vous en mettez, au plus vous avez de chance de gagner. Et c'est un casque d'une casque DJ d'une valeur de 200€ qui est à gagner ce soir. Je vous souhaite donc bonne chance. Il y a Sullivan qui est avec nous de Bruxelles. Salut Sullivan. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, tranquillement, Sullivan. Est-ce qu'il y a une chanson avec laquelle t'arrives à pécho plus facilement qu'une autre? Bah moi disons que c'est pas une chanson que je ferais écouter, ce serait plutôt une chanson que je jouerais plutôt. Non, tu fais quoi? Tu fais de la guitare? Bah je joue de plusieurs instruments, d'où la guitare, oui. C'est Mickaël aussi. Guitare, putain, mais comme moi mec, oh là là, Mickaël, attends, regarde, guitare, je te fais, batterie, ça fait combien de temps que tu fais de la guitare? Ça fait 8 ans. 8 ans, donc tu gères un peu quoi. Bah disons que j'ai jamais eu de prof, en fait j'ai regardé sur YouTube et j'ai produit. C'est bon, bah comme moi, j'ai jamais eu de prof non plus. Alors regarde, attends. Bon, je m'éloigne un peu du micro là. Attention. Vas-y. 3, 4. Ah ouais, c'est du ré majeur ça. Ah. Ouais. Voilà, c'est pas mal, hein, si t'en penses? On dirait plutôt un enregistrement. Eh ben on dirait, mais c'est tellement bien fait, c'est pour ça, c'est et ça qui est exceptionnel. C'est une Gibson, hein. Exactement, oui, sur Gibson, nous, on évidemment, pas, évidemment, ouais, attends, attention, on a les moyens, Fun, qu'est-ce que tu crois? On a les moyens. Tiens, il y a Let's Be Freaks qui dit: moi quand je reviens d'une semaine d'absence, j'ai même pas le droit à un coup de pelle, je suis triste. Ah bah tiens. Si c'est juste ça ton problème. Voilà, je te mets même celle-là, tiens. Et Daniel qui dit: le morceau pour conquérir de la femme, The Soleil Unique, c'est TTC avec Girlfriend. Et ça marche d'office si la demoiselle a le sens de l'humour et il serait possible d'en passer un extrait par pitié. Ah ben, TTC. Tu connais TTC ou pas, toi, Sullivan? Oui, toute taxe comprise. Tu connais pas? Non, je suis plutôt du genre à écouter du Kyo, dans genre. Ouais, non, mais d'accord, mais après. Attends, je vais te mettre le TTC, tu vas voir. Avec ça, avec, tu peux pécho à tous les coups. Hein. Alors, attends. Ah, écoutez les paroles, là, ça arrive là. Quand je rentre dans la boîte, j'ai la trique. Toutes les chattes n'est plus sans moi, c'est pratique. Elles m'ont frotté toute la nuit. Plus je suis ton mac, alors si c'est ma vie gratuite. Voilà, tu vois, ça donne directement l'idée, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Sullivan, non? C'est pas mon style de chanson, non. Ouais, mais bon, pour pécho, après, note, c'est une idée comme une autre, hein. En tout cas, merci à celui qui a trouvé l'idée. Les autres, continuez. Quelle est la chanson sur laquelle vous arrivez à pécho, ou les filles? Quelle est votre chanson préférée avec laquelle vous pourriez éventuellement tomber in love d'un mec qui débarquerait avec cette chanson, comme c'est la Saint-Valentin, justement? Ça peut être pas mal d'en parler. Bon, qu'est-ce qui t'amène, toi, Sullivan? En fait, je voulais raconter, enfin, c'était sur le domaine, enfin, sur le sujet du cocu. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé très rapidement avec Mario en début d'émission, qui s'est un peu foutu de notre gueule. Ouais. Mais c'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Et donc. Ce qui s'est passé, c'est que un jour j'étais avec ma copine. Ouais. Et c'était son anniversaire et je voulais lui faire une surprise. Je voulais aller chez elle à l'improviste. D'accord. Arriver comme ça nu sous ton imperméable. Hein, du Kyo. Ouais, c'est avec la musique de Kyo derrière, non? Ouais, on va dire un peu près comme ça, ouais. Ouais, non, d'accord. Mais, donc j'avais préparé les grands jeux et tout, des fleurs, du chocolat et tout, vraiment pour son anniversaire et tout. Donc je sonne chez elle, il y a sa mère qui me l'a rentré. Attends, juste un truc, remettons les choses. Il y avait quoi? Du chocolat? Il y avait du chocolat, des fleurs et un... T'avais porté ça comment? Parce que t'as que deux mains. Hein. Ah oui, non mais il avait son sexe, il a attaché le truc de chocolat au sexe avec une petite une petite ficelle. Non mais c'est comme ça que ça doit marcher. Ouais, et puis enfin, j'avais aussi acheté un CD qu'elle adorait, donc elle adore les One Direction. D'accord. Ah, vous êtes bon là en couple là, quand même, hein. Kyo et Wendy, c'est bien. Et après je suis monté dans sa chambre pour lui faire une surprise, lui faire salut c'est moi, et j'ai retrouvé qu'elle était au lit occupée, donc non. Si. Ah bah attends, et tu lui as pas chanté du Kyo? Attends, ça c'est fort. J'avais plus envie de lui faire casser ma guitare sur l'écran en fait. Mais tu l'aurais chanté ça. Ah ouais, t'arrives. On a toi assise dans l'ombre, la lueur de notre enfant. Bah oui. Non mais tu vois, t'arrives. Non mais le mec il arrive avec la guitare, il voit sa meuf. Je me fous de ta gueule, je me fais baiser par le premier qui passe, et tu te retrouves avec tes pralines. Et voilà, on va tous baiser ensemble, on va faire un plan à trois, tu vas te le mettre dans ton cul profondément. Ton ballotin de pralines, tu vas repartir avec. Non mais tu vois, t'arrives et tu fais, t'improvises hein. Ouais mais bon c'est... Bon alors du coup attends. T'avais pas trop la mentalité à la musique. Oh c'est dommage. Après t'arrives et t'improvises sur la chanson hein. Et je là, vais casser la guitare dans ta sale gueule. Tu vas la voir vraiment profonde. Tu vois t'essayes. Putain j'ai une belle voix quand même, ouais, je devrais devenir chanteur. Mais tu chantes? Mais oui c'est pas la preuve, je viens de chanter. Bravo. Voilà. On n'a pas. Pardon. Bon et donc je lui demande. Enfin moi en train de me demander ce qui se passait, comme bah, je lui demande qu'est-ce que tu fais. On me fait rien, je fais une partie de ping-pong avec. De ping-pong. Bien sûr. C'est sérieux ça. Donc elle te dit ouvertement qu'elle fait un match quoi. Ah, attends. Attends. C'est ça? C'est ça oui. Non mais c'est ouf. Donc ouais, elle se fout de ta gueule ouvertement quoi. Voilà quoi, mais disons que c'était un peu soit c'était moi qui étais con, soit c'était elle qui faisait la conne, mais bon. Ouais, enfin bon, il y a un moment déjà de se poser la question si c'est toi qui es con alors qu'en fait tu vois ta meuf en train de se faire prendre par un autre, c'est un peu tendu quand même hein. Ouais quand même. Ah ouais, je te confirme ouais. Bon du coup t'es plus avec elle? Ah bah il manquerait plus que tu sois encore avec. Ah bah je sais pas. Bon depuis plus de nouvelles, rien. Mais non, elle essaye de sortir avec moi, moi je veux pas. Ah bah t'as raison, rigoles ou quoi, il faut pas te laisser faire, mais t'es pas évidemment. Un bouffon, t'es pas un bouffon. Évidemment, Sullivan. Bon attends, Sullivan, reste avec nous, il y aura Louis aussi dans quelques minutes, il y a Sofiane qui est également avec nous là. Ça va Sofiane? Oui et toi? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur? Non, il est en vague. Oui toi. toujours là, ça va Sofiane? Saint Valentin. Oui. Très bien. Bon Sofiane, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Bah je me suis bagarré avec mon frère et je veux juste me réconcilier. Ah tu veux te réconcilier? Oh ouais, très bien. Quel âge a ton frère? Pour Mickaël. Mais bien sûr. Il a quel âge lui? 15 ans. Et toi 14? Ah ils ont pas chômé les vieux hein? Ah ils ont enchaîné là hein. Hop là, à la chaîne. Bon ben reste avec nous, on va en parler. Et j'ai une bonne nouvelle également pour toutes les filles qui ont un gros cul. Ah bon? Ah ça m'intéresse. Ah oui, Sandro est très intéressé j'imagine. Il y a l'université d'Oxford qui vient de démontrer que les filles qui ont de grosses fesses sont plus intelligentes que les autres. Et ils vont même plus loin hein, puisque les enfants des femmes avec un gros derrière seraient eux aussi plus intelligents. Donc Dof, tu vas vérifier dans quelques minutes? Bien sûr, je vais appeler mes amis. Voilà, on va appeler dans quelques instants. Donc si vous avez des numéros de gens encore debout à cette heure-ci à proposer à Dof, n'hésitez pas hein. Ça se passe sur le mail de Dof, vous envoyez les numéros de téléphone toph@funradio.fr. Et puis dans moins de 10 minutes on va jouer évidemment comme tous les mercredis soirs à ce magnifique jeu du je t'emmerde. On cherche un garçon et une fille. Si vous voulez jouer avec nous, pareil, vous appelez le standard, c'est le même numéro 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Tous vos messages avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Il est 23h27 et on est au cœur d'une heure sans pub. C'est Tony Junior. Tony Junior sur Fun Radio. C'était Twerk Anthem. Il est 23h30 et il n'aura fallu que 20 minutes pour être le moquet le plus cité sur Twitter ce soir. À nous. Enfin, à vous plutôt, hein, parce que nous, on n'a rien fait. Hein. C'est ça le talent, je suis fan de nous. Bon, n'emballe pas non plus, hein, n'emballe pas non plus, n'emballe pas non plus, surtout avec sa nouvelle chemise Apollo. Non, mais on dirait beau gosse. Non, on dirait qu'il est professeur. Non, mais je trouve qu'il est beau gosse, ça lui va bien. Attends, je lève la main pour parler. Bah, je vous écoute. Ah, très bien, parfait. Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a avec ma chemise, hein. Mais non, mais il est habillé en t-shirt toute l'année. Là. Et là, il arrive avec une chemise. Comme par hasard, il avait un date ce midi. Non, j'avais pas un date. Il avait un date. Ah, il avait un date. Ça va, c'est pas grave. T'avais un date. Mais non, t'avais un date. C'est rien, c'est pas grave. T'es sur un dos. Une barbe bon. Comme ça. Et alors, on sait jamais. Il a qui aime bien. Je suis marié, je vous l'ai déjà dit. Ouais. J'ai femme et enfant. Ouais, oui. C'est peut-être votre anniversaire de mariage. Bah, peut-être, ouais. Bon, en tout cas, continuez. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous balancez un maximum de messages. Et puis, vous venez nous rejoindre également sur le Facebook. Facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Guillaume qui dit est-ce qu'il y aura un karaopé ce soir? Évidemment qu'il y aura un karaopé ce soir. Bah attendez, c'est quand même le nouveau jeu de grand nouveau jeu, exceptionnel nouveau jeu, bref, magnifique. Je rappelle que la semaine dernière, le karaopé, c'était ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, il fallait découvrir le son d'Indochine comme ça. Etc. Hein. Etc. Bien entendu. Bien sûr, donc, ça me prend une demi-journée pour les faire. Voilà, on jouera tout à l'heure vers minuit 30, donc restez bien là. Il y a Marie aussi qui dit top les chansons que vous passez, merci pour ces bonnes soirées que vous nous faites passer quand on est seul dans son lit. Oh bah Marie, qu'est-ce qui se passe? Ça fait passer les soirées, ça informe parfois avec du bon son. J'aime bien le parfois. Xavier qui dit mort de rire, le mec Mathieu avec Kyo. Il y a Bastien aussi, salut tous les soirs en ta compagnie. Super, je t'adore, toi et toute l'équipe, un gros bisou. Et bah merci Bastien, on va se serrer la main, ça te dérange pas. Hein. Valou également qui dit Mickaël, tu m'en apprends des choses après. Bonne menteuse, grâce à toi, j'apprends que je suis intelligente. Ah, t'as vu, hein? Comme quoi, il faut écouter l'émission. Et puis, Oscar qui dit déjà premier, c'est ouf quand même. Bah oui, mais c'est ça, il y a de plus en plus de monde le soir. Grâce à vous, faites passer le message autour de vous, à vos potes, à vos amis, à la famille. Bref, la famille s'agrandit. Voilà, la famille s'agrandit. Jennifer, et pour fêter ça, on sera d'ailleurs dimanche, hein, je le rappelle. On sera vendredi d'abord à Compiègne à 21h. On sera au Speed Park. On va faire un kart avec avec vous, hein, justement. Toute la famille sera là. Kart et laser game. On ira bouffer juste avant. D'ailleurs, il y a des places pour venir avec nous, pour manger gratos, pour faire le kart, le laser game gratos, pour venir avec nous après au El Patio vers minuit 30 avec le concert de Jean-Pierre Sauzère, mesdames et messieurs. Oh attention. Là, et top déguisé en lapin. Donc si vous voulez venir avec nous gratos, appelez Sandro maintenant 01 42 48 5000. Y a une Endul Piu Piu qui dit Mickaël, met la photo de Toff avec sa chemise. Mais il n'y a pas de chemise, c'est Polo qui a une chemise. Endul Piu Piu. Et puis Jennifer qui dit moi je dis t'es trop un beau gosse. Merci Jennifer. Ah, enfin quelqu'un qui a du goût, et j'ai envie de dire. Femme de goût, oui. Bon, retour avec Sullivan dans quelques minutes. Mais nous allons d'abord, évidemment, eh bien, appeler de nouveaux amis de Toff. Ah. Ça c'était avant-hier. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà. Pendant 11 heures, je vais te péter en le reste pour du cul. Ah ouais, c'était magnifique, c'était du goût. C'était du lourd, c'était du caviar, j'ai envie de dire. Bon, on y va, on appelle? Allons-y. Avant, on a appelé, je rappelle bien entendu que nous sommes tombés sur une enquête d'Oxford, attention, pas n'importe où, qui disait que les femmes avec un gros cul étaient plus intelligentes que celles avec un petit. Et moi, j'ai envie de les croire. Bah écoute, on va appeler en tout cas, on va se renseigner. Hein. Donc, on y va, les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@fanradio.fr, eh bien, on va les utiliser maintenant. C'est parti, on y va, on appelle. Alors... Et puis on va se faire aussi le jeu hein, dans quelques minutes là, le je t'emmerde comme tous les mercredis. Allô? Oui, bonsoir madame. C'est qui à l'appareil? Oh, oui, c'est Toff à l'appareil. C'est Toff? Oui, c'est Toff. Vous voulez parler à qui? Bah à vous en fait, je voulais savoir si vous aviez un gros cul madame. Kounia maman. Oui, mais j'ai pas compris. Kounia maman. Oui, mais je comprends pas. Va faire foutre. Mais pourquoi vous me dites ça madame? Allez vous faire foutre monsieur. Mais pourquoi? Mais vous m'appelez, vous voulez savoir si j'ai un gros cul? Oui, j'ai un gros cul, va faire foutre salopard connard. Non mais parce que j'avais une bonne... Allô? Bah oui, mais elle a raccroché. Salopard. On n'a pas eu le temps de lui annoncer la bonne nouvelle. Oui, bon. Maman. On va le rappeler, on va la rappeler. Ça veut dire on va te faire foutre, on va te faire enculer. Créole. On va la rappeler, on va la rappeler. Pas de problème. Attendez. Salopard. Oui. Allez madame. Oui, allô. Allô, non, je... Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, je t'écoute. Oui, parce que j'avais une bonne nouvelle pour votre femme, monsieur, comme elle a un gros cul. J'avais une bonne nouvelle pour ma femme. Oui. Et ta maman et ta mère, votre mère là, elle a un gros cul aussi? Votre femme? Bah non. Mais du coup j'avais une bonne nouvelle pour la vôtre. Toi là, depuis à la rue, vous êtes pédé ou bien vous êtes, je pense que vous êtes un gros pédé, hein, massifié, hein, pédé. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que vous êtes pédé. Mais pas, ça pas du tout, monsieur. Je vous appelle parce que j'avais une bonne nouvelle pour votre femme qui a un gros cul. Allez, bon. Et dis-moi, ta femme, là, explique-moi comment elle a un gros cul aussi, hein. Mais non, monsieur, moi, je n'ai pas de femme. Ah, mais et ta maman, elle a un gros cul? Ta soeur? Non. Ta belle-sœur, tout. Non, mais parce que du coup, vous voulez pas que je vous annonce la bonne nouvelle? Non, non, non. Ah bon, c'est dommage, parce que ça aurait pu faire plaisir à votre femme, monsieur. Non, non, non, pas du tout, parce que j'ai pas envie de parler avec un PD, tu sais. J'ai pas envie de parler avec un PD, un connard. D'accord? D'accord, monsieur. Mais c'est non, dommage, mais okay. Parce que j'avais une bonne nouvelle pour votre femme. Non, non, j'ai pas envie de parler à un PD. Oui, je sais. J'ai compris, monsieur. Ah, mais ok, monsieur PD. Oui, oui, d'accord. Mais vous voulez pas okay. La bonne nouvelle, quand même? Ok, monsieur PD. Monsieur PD. Donc on l'appellera Tov dorénavant Monsieur PD, hein, c'est notre ami là qui vient de trouver un nouveau nom, c'est très bien ça. Parfait, ça va Monsieur PD? Ben, ça va bien. Pour les défendre, c'est quand même quand t'as ce connard qui t'appelle. Ah bah bien sûr voilà. Ah bah évidemment, t'as juste une envie, c'est ça. Voilà, tu lui en mets une en pleine gueule et puis voilà. Oh j'adore. Oh là là. Bon, il y a Brian qui dit super les soirées avec à vous écouter, pardon, vous êtes trop cool. Et passe le son de Asie. Ah ouais, je vais essayer de le passer tout à l'heure. Alan qui dit moi j'étais à l'école avec Tov, c'était le petit martyrisé, même les fils frappaient. Ça m'étonne même pas. Et Coralie, un message d'accueil pour m'encourager. J'ai un entretien demain pour un stage qui peut se transformer en contrat de travail. S'il vous plaît, vous êtes des anges, bisous. Alors Coralie, d'accord, je te le mets, mais si tu décroches le boulot, je prends 10%. Un minimum. Bah, parce que je supputerais que ça vienne de ça, que ce soit grâce à moi, quoi. Bon, allez, attends, je vais t'en mettre un petit là. Ah ouh, un parfait. Et moi, je te demande si la chatte à ta mère, on peut rentrer un quart dedans. Voilà. Allez, bonne chance, Coralie. Marine aussi, qui avait envoyé son message sur le Twitter. Apprendre qu'on est plus intelligente que les autres parce qu'on a un gros cul, c'est génial. Merci, Mickaël. Je t'en prie, Marine, avec plaisir. Et Good Fun qui dit, je confirme pour l'histoire des gros culs, ma copine a un petit cul et très conne. Ah bah, je vais être contente, tiens. Youssef et Sylvain qui sont avec nous, là. Salut les gars, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Salut. Ça va. Bon, bienvenue à vous. Vous êtes maqué ou pas, là? Vous avez une copine? Célibataire. Célibataire, et toi Youssef? Oui, moi j'en ai une. Ah, elle a un gros ou un petit cul? Entre les deux. Entre les deux. Bon, donc elle est moyennement intelligente. Voilà, elle est pas futée, elle est pas stupide non plus, quoi. Bon, bah très bien. Bon, alors Youssef, t'appelles de Gand? De Gand en ouais. Belgique? Ah, Gand oui, toilette. Mais comment tu nous écoutes parce qu'il n'y a pas d'émetteur là-bas? Pas à 3G, hein. Ah bah oui, bah bien sûr, évidemment, avec l'application, t'as raison, mais oui, mais continue comme ça. Et oui, y a pas de problème, parce qu'en plus on à Gand, donc en Belgique pour ceux qui connaissent pas, en plus ils parlent flamand, donc tu veux, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Y'a Huyen Avent. Y'a Maître Peters également, mais qui vient lui d'Anvers, hein. Oui, du bonsoir. Voilà. Je suis content, tu parles encore un peu, hein. Comment? Non, je viens de plus souvent. Il fait quelque chose, ça. Y'a, oui. Y'a. Ja, zeker, hè, meneer. Zeker, ja, ik weet. Ah, je weet het, dat is goed, hè. Hé, hey, vous êtes cru où en Flandre ou quoi, ah, ça se passe? Pardon, j'ai cru, on était sur Q-Musique. Ah ouais, Q-Musique, ouais, c'est ça. Et, un mal dans ton cul, tu vas voir, ça. Et... Bon, alors, Youssef et oui. Sylvain qui lui appellent de Nîmes. Ah putain, c'est le grand écart des régions, là, entre Nîmes et Gand en Flandre, en Belgique. Je peux te dire qu'il y a du kilomètre qui vous sépare. Bon, c'est pas grave. On va donc jouer maintenant à ce magnifique et grand jeu qu'est le... Je t'emmerde. Voilà, le principe est très simple. On va donc appeler des gens au hasard. Le but, vous affronter, celui qui va réussir à garder une conversation la plus longue possible en plaçant la plus longue, c'est pas le plus important, mais en plaçant un maximum de je t'emmerde dans une phrase, dans une conversation plutôt, gagnera le casque qui vaut 200€. C'est le casque donc de DJ. Vous avez compris le principe? Donc on n'appelle pas en disant je t'emmerde, il faut une conversation logique. Et je ne validerai pas les je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc. C'est bien je t'emmerde ou je t'emmerde à la limite. D'accord? Okay. Bon, qui veut commencer, Youssef ou Sylvain? Honneur à Sylvain. Allez, hop, c'est parti. Comme Sylvain t'avait insisté pour que ce soit Youssef, tu vas donc démarrer. Vas-y, c'est parti, Sylvain. On y va, on appelle le premier maintenant. Je te souhaite bonne chance. Et puis, dès que t'entends plus la musique, là, tu dis allô. Okay. Allez. C'est parti. Allô. Allô. Allô, oui, bonjour monsieur, est-ce que vous dérangez? Voilà, en fait, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous êtes gagnant du jeu Je t'emmerde sur Internet. Ouais, moi aussi, ouais. En fait, voilà, vous venez de gagner un iPad de marque Je t'emmerde. Ouais, toi aussi, moi aussi je t'emmerde. Mais en fait, le film sera livré prochainement à l'adresse je t'emmerde, 33 rue je t'emmerde. Ouais, ouais, moi aussi je t'emmerde. Donc votre nom c'est bien Monsieur je t'emmerde. Et votre toi t'es prénom... Monsieur, tu me casses les couilles, non? Bah écoutez monsieur, moi j'annonce les nouvelles de votre game dans je t'emmerde. Moi aussi j'ai une game pour toi, quoi. Bah, moi je suis pour bien. Ouais, moi aussi j'ai une game pour toi, tu viens le chercher dans ma rue et je le mettrai dans ton cul. Donc ah ben c'est parfait monsieur, donc votre rue c'est bien je t'emmerde. Mais ouais, et tu viens et je le mets dans ton cul. Et je te la mets dans ton cul. Hein? Parfait monsieur, parfait. En plus il est couvert, donc, la mets bien grosse, oui. Bien grosse dans ton cul. Très bien. Hop là! Eh ben, pas mal, hein, pas mal! T'avais pourtant mal démarré, Sylvain, mais quand même, combien je t'emmerde? 8! Youssef, tu peux faire mieux! Wow. Parce que 8, ouais, c'est pas non plus énorme, on a déjà fait des vingtaines, hein, c'est pour te dire. Donc, on va y aller. Il faut l'écouter quand il vous parle, hein, c'est un dialogue. Ouais, ouais, ouais, faut pas faire un monologue, Sylvain, comme t'as fait. Hein. Quand il parle, évidemment, il faut attendre qu'il réponde. Ah oui, mais bon. Bon, Sylvain, 8, c'est pas mal. Youssef, on y va à ton tour, on appelle quelqu'un au hasard. De quoi? Ah bah non, tu fais en français, hein, non, en flamand, t'es sérieux lui. Allez, vas-y Youssef, bonne chance. Il t'a dit on n'est pas sur Q-Music. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, j'ai reçu un mail un peu bizarre avec votre numéro de téléphone. Où il y avait des « je t'emmerde » un peu partout. Je m'aurais demandé de vous rappeler, donc je t'emmerde. Rappelle-moi s'il vous plaît, je t'emmerde. Il y a bien le nom Caroline avec Jacqueline, j'ai pas compris. Bah écoutez, je suis désolé, ça vient pas du tout de moi. Enfin, la boîte, c'est pas à moi, enfin c'est à ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit écoute, regarde les messages bizarres qu'on reçoit, je t'emmerde, rappelle-moi, je t'emmerde. Enfin, je trouve qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer que je t'emmerde, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Votre nom, c'est bien le nom qui est marqué, Jacqueline? Ah non, pas du tout. Ok, vous me connaissez Bernard, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bernard, j'en connais plusieurs, mais vous avez un accent, donc je suppose que vous êtes belge, non? Ou suisse, je sais pas. Belge. Mais belge, ouais. Et il y a plus d'une, c'est incroyable, il y a plus d'une trentaine de « je t'emmerde » dans le message. Hein. Enfin, ouais, mais c'est pas un langage « je t'emmerde », rappelle-moi « je t'emmerde » s'il te plaît. Je m'appelle... Car enfin, ça dit n'importe quoi en fait. Hein. Je t'emmerde avec moi. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai envoyé ce genre de message. Et puis j'enverrai pas des messages d'insultes avec mon numéro de téléphone. Oui, c'est pas la première fois. Hein. Attends, il est parti. Alors ça nous en fait combien ça? Ça nous en fait 7. Oh là là, un seul prêt Youssef là. C'est pas grave, on va faire la suite juste après la pub. Donc restez tous les deux là, concentrez-vous, réfléchissez à un dialogue. Alors attention, le coup du courrier là, bah c'est bien, mais on peut pas le faire deux fois d'affilée. Hein. Donc réfléchis à un autre truc et pareil pour Sylvain, d'accord? Ok, c'est bon. Ok. Bon, bah restez là tous les deux, on va revenir avec vous toutes et vous tous en direct sur Fun Radio avec le son de Jason Derulo également. Jason Derulo qu'on va faire péter dans un instant avec Marry Me sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Nickel, nos limites, no limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France, comme tous les soirs, avec vous toutes et vous tous, derrière votre radio évidemment. Et puis avec aussi cette grande journée, ce grand week-end qui va avoir lieu. C'est vendredi, on sera vers 21h au Speed Park. Ce sera à Compiègne. Et oui, on sera en Picardie, on va faire un petit kart et un laser game, puis on va au resto également. Et on ira aussi vers minuit 30 au El Patio pour faire la teuf toute la nuit avec vous. On aura plein de cadeaux, etc. Si vous voulez choper vos places pour venir gratos avec nous, manger, jouer et faire la teuf, et ben vous appelez Sandro 01 42 48 5000. On sait l'équipe des tocards, moi et teuf. Voilà, bah oui, mais t'inquiète pas, ça vous portait bien le nom. Voilà. Et puis dimanche soir dès 20h, on sera à Noyon à 30 bornes, je crois, de Compiègne pour faire l'émission en direct de chez Olivier, un auditeur. Donc si vous voulez là aussi venir, hein, on aura aussi des cadeaux à vous filer. On va essayer de faire une connerie sur la place principale qui est au-dessus au bout de la rue de Paris à Noyon. Donc voilà, je vous en dirai plus demain et dimanche bien entendu, et puis tout le week-end sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Voilà, la suite du je t'emmerde, on va faire ça dans quelques minutes. Et puis je vous avais promis le son de Jason Derulo là, je vous le passe dans moins de 10 minutes également. Jason Derulo, Marry Me. Oh, ça va être beau. Jason Derulo et Marry Me qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Allez, restez tous là. La suite du je t'emmerde, c'est maintenant avec Youssef, avec Sylvain. Toujours là tous les deux. Oui. Alors attention, c'est serré. Hein. Mmh, ah, c'est serré. très serré. Trop et Dieu sait que Toff et Polo aiment quand c'est serré. Mais pas au même endroit, mais enfin bon, peu importe. Donc, on va jouer maintenant. Sylvain, tu avais fait 8 je t'emmerde dans un seul appel. Youssef n'en avait fait que 7. Mais les deux ont bien joué, malgré tout. On va donc remettre le couvert maintenant. Youssef, 7 appels. Sylvain, 8. Tu vas retenter ta chance maintenant, Sylvain. Si tu fais mieux que 8, on gardera évidemment le meilleur des deux scores. Si jamais tu fais moins bien, bah, comme je disais, on va garder le meilleur des deux. Donc, ce sera 8 quoi qu'il arrive, d'accord ? Ok, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, c'est bon, on y va. Casque d'une valeur de 200 euros, je le rappelle. Casque DJ a gagné maintenant. On y va, c'est parti, t'as l'avantage pour l'instant Sylvain, mais avec un score aussi serré, c'est pas gagné d'avance non plus. Allez, vas-y, bonne chance, on y va. Dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Ok. Allez. Allô ? Oui. Oui, bonjour monsieur, est-ce que vous dans le géant ? Voilà, je suis enquêteur au trésor public. Désolé de vous appeler à 7h tardive. Simplement, c'est que je voyais avec vous sur un dossier. Nous avons pu constater dans la déclaration d'impôt de 2011 pas mal de je t'emmerde. Alors, merci de me laisser terminer avant de prendre la parole. Je vais débuter. Vous avez déclaré en le 1er janvier je t'emmerde, le 1er février je t'emmerde. Et votre nom, monsieur je t'emmerde. Il a raccroché. Pas mal le scénario. Ouais, pas mal. Beau scénario Sylvain, mais ça ne fait que 4. Ah oui, ça ne fait que 4, à moitié moins bien Sylvain. Mais c'est pas grave, tu restes à 8, ce qui est quand même un beau score. Youssef, attendez, j'ai de la lettre, je peux plus le faire en fait. Ah non, il faut trouver un autre. Bah hein. On fait pas deux fois le même, c'est trop facile. Parce que Sylvain, lui, il s'est quand même fait chier à trouver un autre scénario. Qu'il a réussi à trouver d'ailleurs. Bon, okay. Youssef, avec un nouveau scénario, il faut faire mieux que 8. Il faut faire 9, d'accord ? Ok, sûr. Allez, c'est parti, on y va, bonne chance. Je rappelle que c'est toujours un casque de DJ d'une valeur de 200 euros que tu risques de gagner. Tu dis allô dès que t'entends plus la musique. Allô ? Oui ? Bonsoir, désolé de dérangement. Oui. J'ai reçu un message sur le numéro de ma femme avec des mots un peu bizarres, je t'emmerde, plein de je t'emmerde en fait. Et avec votre numéro, donc c'est pour ça que je vous appelle. On n'a pas aimé les mots je t'emmerde, ça se fait pas, surtout à cette heure-ci, je t'emmerde, ça se fait pas quoi. Mais c'est un numéro de fixe là que vous appelez monsieur ? Bah oui exactement, justement, il y a le numéro de fixe qui est marqué sur le message. Il y a plein de je t'emmerde avec tes numéros de fixe, rappelez-moi, je t'emmerde, s'il te plaît. Ah ouais, c'est pas moi en tout cas. Une chose est sûre, c'est pas moi et par contre, faut pas me rappeler. Ben écoutez, en tout cas, j'avais juste une chose à vous dire. Mais je t'emmerde, ça se fait pas. Je trouve que je t'emmerde, c'est trop un peu vulgaire. Donc, bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous. Et moi, j'ai mes trois petites filles qui dorment. Mon mari aussi, donc on a. Oui, je comprends tout à fait. Moi aussi, c'est ma mère qui me réveille. Elle m'a dit, il y a des gens qui me disent je t'emmerde. Votre femme, elle est pas chez moi, d'accord ? Donc. Oui, mais il y a eu plein de je t'emmerde. Expliquez-moi pourquoi j'ai reçu des je t'emmerde. Ah ben, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous emmerde, visiblement, mais c'est pas moi, d'accord ? Donc, ce serait super sympa de pas rappeler, parce que comme blague, c'est vraiment pas drôle. On n'emmerde pas les gens, merci monsieur, c'est pas correct. Je vous remercie, mais je t'emmerde. Mais moi aussi, je t'emmerde, connard. Je t'emmerde. Hop là ! Eh ben voilà ! Ouais. Alors, ce qui nous fait 7, 8 pour Sylvain, deuxième appel, il en a fait 4. 7 appels pour ce Youssef et que deuxième appel, il en a fait 26. Non ! Eh ben voilà, dis donc, la grande classe ! La classe ! Eh ben mec, Sylvain, tu t'es fait écraser, mec ! Ah ouais, bien joué. Non, cela dit, vous avez bien joué tous les deux. Mais bravo à toi Youssef. Le casque donc DJ d'une valeur de 200 euros, il partira direction Gand. Et c'est Maître Peters qui va venir te le déposer hein. Oui, je viendrai avec l'authentification de l'acte. Quoi ? Enfin, il signera en bas quoi. Oui, bah c'est ça, oui, enfin, tu vas le déposer quoi, très bien, oui, parfait. Oui. Bon, bah bravo Youssef, à bientôt à Gand alors. C'est notre seul auditeur à Gand d'ailleurs. J'ai rappelé qu'il n'y a pas d'émetteur là-bas. C'est parfait. Salut Youssef, merci d'écouter. Allez, en tout cas, même en 3G. Salut Youssef, ciao à toi. Sylvain, bah écoute, tu retentes ta chance quand tu veux, hein, mec, y a pas de problème. Hein. Pas de soucis, ouais. Salut Sylvain, à bientôt. l'équipe, bye. Allez, ciao à toi, Sylvain. Bon, on va récupérer Louis, Sofiane, Sullivan également, là, qui s'est fait tromper par sa copine. C'était son anniversaire. Il a débarqué avec des cadeaux et tout dans sa chambre. Et là, elle était en train de se faire trancher par un autre. Je vous avais demandé si ça vous était déjà arrivé. Venez, appelez-nous. Et je vous avais demandé aussi quelle était la musique avec laquelle vous êtes sûr de pécho ou avec laquelle vous vous êtes déjà fait pécho, les filles. Hein, ou vous êtes sûr de céder avec une musique tellement c'est romantique. Il y a Amandine qui dit salut, Mickaël. N'oublie pas d'appeler la mère psychopathe. Bis à tous. Bah, ouais, mais on n'a pas eu le numéro. Enfin, on a eu le numéro, mais attends, c'est quoi l'histoire encore avec l'auditeur, l'Algérien qui était là hier avec sa mère psycho là? Bah, je crois qu'il faut le rappeler. Ouais, ah bah, très bien. Bah, alors parfait. Julien également qui dit un hommage à mon ordi qui vient de me lâcher. Et une claque à Toff, s'il vous plaît, avec plaisir. Hop là, voilà. Stéphanie qui dit si je viens vendredi, je jette ma culotte à Jean-Pierre sur scène. Bah, viens, oh, Stéphanie. Bon, avec c'est plaisir. Super. Et Jérôme qui dit tu viens quand à Strasbourg? Bah, quand tu auras un émetteur, Jérôme. Parce que pour le coup, là, il n'y a pas d'émetteur fun à Strasbourg. Nous sommes délaissés par le CSA et c'est mal là. Mais c'est si honteux, vous voulez qu'on mette un émetteur à Strasbourg, n'hésitez pas à leur demander. Au CSA qu'on mette un émetteur de fun radio à Strasbourg, ce sera avec plaisir. Morgane qui dit je vous écoute tout le temps, je vous adore même si je suis malade, j'ai la crève. Et Secret Key qui dit hier on parlait de rêve sur Mickaël, aujourd'hui ma prof me donne un sujet sur le rêve. Eh oui, t'as vu un petit peu. Ouais, c'était prémonitoire. C'était prémonitoire, totalement. Bon, on rejouera au Je t'emmerde évidemment la semaine prochaine. Hein. Je t'emmerde. D'accord, ok. Et puis on va prendre Damien avec la colle, là. On va rester dans les jeux là maintenant. Allô Damien. Oui. Comment ça va? Ça va, toujours. Bon, parfait. Alors, t'appelles de la Ciotat toujours et tu as toujours une colle pour toujours repartir avec la Xbox One. Fais péter la colle. C'est ça. Alors, mon premier est un animal qui aime le lait. Mon deuxième recouvre tout le corps. Qui suis-je? Ok, si vous avez la bonne réponse, il fallait envoyer, enfin il faut toujours en fait, hein, parce qu'on l'a pas encore tiré au sort, M-I-K-L, les 4 lettres suivies de la réponse au 64-900 par SMS, ou alors pour la Belgique au 63-22, et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook, venez nous rejoindre, facebook.com/MIKL officiel, je vous ai mis la colle, il suffit d'y répondre, si vous avez la bonne réponse, et ben vous repartirez aussi avec la Xbox One. On proposait les os, est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Non, c'est pas ça. Je te brise les os, non. Mon gars, je t'encule au passage. Bon d'accord, on proposait le chat également. Non plus. Le mouton. Non. Ou encore un léopard. Non plus. Non. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, bah, allez-y, hein, vous vous inscrivez maintenant. MIKL par SMS au 64-900. Vous mettez MIKL suivi de la réponse ou alors facebook.com/MIKL officiel. Damien, on te récupère avant minuit 30. On offre la Xbox One à toi ou l'autre auditeur qui aura éventuellement trouvé la bonne réponse. D'accord? Allez, ça marche. Allez, bah, reste avec nous, Damien. Ne bouge pas de là et les autres, je vous souhaite bonne chance. On jouera d'ici quelques minutes sur Fun Radio. Et on va s'écouter aussi, bah, je vous l'avais promis, le son de Jason Derulo. Ce sera Marry Me. Et on va se faire également, comme tous les soirs, les teubés de la télé. Sullivan, t'es toujours là? Comme d'habitude. Ah bah très bien. Est-ce qu'il y a une émission de télé que t'aimes bien? Enfin déjà, est-ce que tu regardes souvent la télé, première chose? Souvent le week-end, ouais. Souvent le week-end, il y a un truc que tu kiffes plus qu'autre chose? Le vendredi, tout est permis avec Arthur. Ouais, avec vendredi, tout est permis. Bah là, on va pas parler d'Arthur, on va parler du JT de France 2, où on a découvert un nouveau sport qui rapporte gros, a priori. On termine, William, avec une discipline sportive qui n'est pas encore olympique, hein, mais ça ne saurait tarder. Au Japon, à Shiba, plus de 1200 personnes ont participé à un concours de trous. Le principe est simple, 6 personnes dans chaque équipe et 30 minutes pour creuser le trou le plus profond possible. Alors les vainqueurs ont tout de même creusé jusqu'à 3,41 m et ils remportent, tenez-vous bien, un chèque de 650 000 euros ainsi qu'une pelle en or d'une valeur de 500 000 euros. Ah, et moi je vais creuser, hein. 1 million. Eh, hey, tu viens nous filer un coup de main, Sullivan? On va faire une équipe pour aller creuser. Attends, vas-y. Sérieux, 1 million pour creuser 3 mètres. 1 million d'euros à gagner, dis donc. Et moi j'y vais directement, hein. Putain. Ah bah ouais. Bon, et puis dans l'émission pour tous, Stevie s'emporte un petit peu. Pour nous, c'est une atteinte à l'égalité des droits de l'enfant. On est libre, égal en droit. On a tous été enfantés d'une femme. Ah bah donc vous êtes pour le mariage pour tous, pas alors. Du tout. On a tous... Bah alors pourquoi moi j'aurais pas le droit d'épouser le mec que j'aime? Non, vous non, êtes marrant, vous. On est tous. Non mais pourquoi? Mais parce et que... en quoi ça vous change quand je fais l'amour, vous avez mal aux dents? Non mais franchement. Une chose est sûre, il porte bien son nom. Et puis dans la nouvelle émission, Giuseppe Ristorante, sa mère évidemment apprend les mots importants en anglais. Et encore une fois, c'est le principal. Hi, how are you? Pas trop agressif quand même. C'est pas une torture en vrai, c'est pas une torture, c'est censé faire entrer le client. How are you? Monnaie. Ça va s'arrêter là, mon discours. Monnaie, le bruit de la caisse enregistreuse. Voilà, de toute façon, on a compris les mots principaux, hein. Monnaie, je pense qu'effectivement. Et how are you également, je pense que là-dessus, on est au top. Bon, Sullivan qui nous avait appelé parce qu'il avait été trompé, il a viré sa meuf, essaye quand même de revenir, c'est ce que tu nous as expliqué, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Tu l'as viré, t'as bien eu raison. Et je vous avais demandé si, effectivement, vous aviez déjà été trompé. Enfin, pas forcément été trompé, mais en tout cas, est-ce que vous avez grillé votre copain en train de coucher avec une autre meuf genre dans la chambre, vous êtes arrivé comme ça à l'improviste et paf, il était dedans. Ou elle était dedans, justement. Hein. Bah, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Orgagasmic qui dit hello tout le monde. Je tweete pas beaucoup ce soir, mais je reste à l'écoute. Gros bisous tout le monde. Et bah, merci Orgagasmic. Et Florent qui dit. Mickaël, c'est une conne qui t'adore. Attends, c'est quoi ? C'est une conne qui t'adore. Peux-tu lui faire une dédicace ? C'est Marion l'inutile, la fameuse. Oui, bah écoute, bah bienvenue Marion l'inutile, la fameuse. Alors, hein, tu reviens quand tu veux, surtout, il y a pas de problème. Bon, et ben merci Sullivan d'être passé. Tu reviens quand tu veux, hein ? Oui, je peux juste une dédicace. Une seule, choisis la bonne. Une seule personne. J'aimerais faire une dédicace à Jason Matroska. D'accord. Et ben voilà, message est passé, pas de problème. Et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Salut, je t'en prie. À bientôt, Sullivan. Ciao à toi. On va voir Sofiane dans quelques minutes, là, qui veut se réconcilier avec son frère. T'es toujours là, Sofiane ? Oui. Très bien. Bon, on fait ça dans quelques minutes, après Jason Derulo, d'accord ? Oui. Parfait. Il y aura aussi Louis avec nous. Salut, Louis. Salut. Comment ça va ? Bah, bien. Bon, bah, très bien, Louis. Alors, t'appelles de Dijon, toi, et on va parler avec toi dans quelques minutes. Tu bouges pas de là ? Oui. Très bien. Reste là. Il y aura Naël également de Toulouse. Salut, Naël de Toulouse. Oui. Oui. Comment ça va, Naël ? Ça va et toi ? Bah très bien. Tu voulais réagir au gros cul ? Ouais. Bon, on fait ça après Jason Derulo. Tu restes avec nous ? Allez, y'a pas de problème. Allez, c'est parti. Hop là, on y va. On est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Hein. Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est Jason Derulo qu'on écoute et Marry Me. 105 is the number that comes to my head. Plan it out. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est là effectivement sur Fun Radio, la bienvenue minuit 5, c'est Mickaël No Limit, on est là en direct, hein, avec dans quelques minutes le retour de Sofiane, pardon, de Louis, il y aura Naïd pour parler des gros culs également, et puis la réponse à la colle de Damien. Il y a Magda qui a envoyé un message, merci à toi Mickaël d'être là tous les soirs avec toute l'équipe, vous êtes des ouf, merci Magda d'être là également d'ailleurs. Il y a Lilou aussi, Mickaël, moi c'est Eros Ramazzotti qui me fait frissonner, bisous à tous. Eros Ramazzotti, oh putain. Sébastien, on a belle. Alors attends. Ah merde. Mais Lilou. Je vais te péter les deux. Je vais te casser le cul. Et tu en demanderas encore. Crois-moi, tu verras. Allez, tous ensemble. Briquet. Je vais te baiser dans tous les coins de la chambre. Tu verras tant de... Non, merde, je vais merder. Je vais te casser les pattes arrière. Les pattes arrière. Tu verras, tu vas prendre très cher. Bon, on va arrêter là. Bon, mais sinon, effectivement, c'est quand même compliqué, Lilou, là. Eros Ramazzotti. Quand même. Eros Ramazzotti, quoi. Pas bon. Denis aussi, qui est trop bon, je me marre à fond. Et Christophe, qui dit salut Mika pour Pêche ou une fille. Moi, je mets un album d'Eros Ramazzotti ou de Laura Pausini. Si elle chante en la regardant, 9 fois sur 10, ça marche. Et je chante, pardon, en la regardant. Oh, mec, Christophe, appelle-nous, va falloir qu'on parle. Il va falloir qu'on parle parce que j'aimerais bien que tu nous chantes Laura Pausini ou Eros Ramazzotti. Alors certes, on va pas se regarder, mais je pense que je peux quand même. Ça peut me faire kiffer d'avoir ça. Appelle-nous, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. T'imagines ? Tu mets ça là. Oh, c'est beau. J'avoue qu'elle est bonne. Ouais, elle était, hein. Ouais, elle a pris un coup de vue aujourd'hui, hein. Ouais. Non mais tu je trouve ça difficile de se dire que t'es en train de pécho une meuf en lui chantant ça pendant que t'es en train de la bourrer. Si je puis me permettre, hein, dans drôle. Vulgaire évidemment, mais. Ah, je suis plus Drake moi, hein, le dernier merde. Drake là qu'on passe. Ouais mais. Mais j'aime bien attends, cette attends, chanson que... mais pas pour. Attends parce qu'il y a un refrain qui arrive. Je vais te la fourrer profonde. Tu verras, tu vas bien crier. T'es là en train de faire l'amour à ta meuf et t'as ça. Je vais déjà finir. Je suis un petit peu précoce. En fait, si t'es précoce, tu peux la faire aussi en chantant. Tu la chantes, comme ça passe mieux, la meuf rigole. Et si jamais c'est fini, bon, tu te dis, ouais, on s'est un peu perdu, c'est pas grave. Et puis là, t'as une solitude aussi, hein. Ça pour le coup, effectivement, c'est une chose certaine. Le prince là qui dit, un mec qui me chante du Laura Pausini en face de moi, j'éclate de rire, c'est pas mon trip. Non, ben ouais, ça c'est autre chose. Y a Ariel qui dit, Still Loving You des Scorpions, ça, bah oui, évidemment. Ouais, mais là, c'est autre chose. Eh ouais. Il y a un message qui dit beaucoup d'entre nous ont été conçus sur cette chanson. Ouais, c'est vrai. TTC avec Girlfriend, bon, on en avait passé tout à l'heure. Il y a Léa aussi qui dit vous voulez me tuer. Bah non, Léa, c'est pas prévu tout de suite. Hein. Mathias qui dit Orelsan, Saint-Valentin, la musique pour pécho. Ah bah oui. Bah oui, musique d'Orelsan, de toute façon, pour pécho, je pense que on est toujours au top avec ça. Hein. Il y a Mickaël aussi qui dit je suis aux commandes de mon tram jusqu'à 1h30. Grâce à vous, fin de service va très bien se passer. Merci à vous. Pourrais-je avoir un message de bienvenue? Bien sûr, Mickaël. Enfin, quand même, attention au tram. Hein. Attends, je vais t'en mettre un petit. C'est tellement con, mon ami. Voilà, attends, je vais t'en mettre un deuxième. Ta mère a le sucé les pites de culier, Cotier. Voilà. Et Christopher qui dit hello, Mickaël. Moi, pour pécho, je mets Joachim Garraud, Maximus. Ça donne trop envie. Christophe Decan. Christopher Decan. Ouais, moi, perso, je mets pas de la dance. C'est pas le truc qui me motive le plus. Bah, qui me chauffe. Ouais, non, si, ça peut, mais je veux dire, tu là. Tu mettrais quoi, toi, d'ailleurs? Tu nous as pas dit. Qu'est-ce que je mettrais? Je sais pas. Ouais, ça c'est Maximus, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, attends, qu'est-ce que je mettrais moi? Attends, faut que je cherche. Attends. Je dois voir les trucs, attends, je vais regarder dans l'iPad là directement là. Attends, où est-ce qu'il est? Faut que je trouve. Alors on va déjà demander aussi à Louis qui est avec nous là. Louis? Oui. C'est quoi que tu utilises? Qu'est-ce que tu prends toi comme chanson pour pécho toi Louis? Tiamo. T'es sérieux? Bah ouais. Tiamo d'Umberto Tozzi? Bah oui. Ça le fait. Attends parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est et qui doivent se dire putain je connais pas et tout, ça va être énorme. Mais t'as quel âge Louis? Bah j'ai 23 ans. Ah ouais d'accord, ok. Donc tu baises là-dessus toi. Attention, on est en live là, attention, on rigole pas là. C'est pas comme si c'était une chanson facile à trouver. Bah non. Ah ouais, là on est bien là. C'est sûr. Donc tu niques là-dessus toi? Bah des fois. Ah des fois ouais. Et t'as baisé la première fois à quel âge? Quand j'ai fait ma fille, ouais, j'ai niqué là-dessus. Ah, t'as fait une fille? Ouais. Mais c'est avec qui que je parle, avec la fille ou avec le père? Bah là, c'est plutôt avec le père. Hein. Ah c'est avec le père là? Ah bah oui, non bah bien sûr, alors d'accord. Et à quel âge? Bah 23 ans, mais j'ai une opération du cou, il y a non. Pas longtemps. Une opération des couilles. Non, c'est du ça coup. Ah du coup, d'accord, ok, très bien. Et Louis, ta fille, elle a quel âge? Bah, elle a 4 ans. Ah, elle a 4 ans, putain, tu l'as eu 19 ans, c'est bien. Et dis donc, alors le temps que je cherche la chanson avec laquelle je pourrais pécho, je pense en tout cas, relativement simplement. Tu nous appelles pourquoi toi? Parce que moi en fait on a fait l'enfant et tout, mais je l'ai pas encore marié. C'est ça que t'as je pas marié dire. Qui? Ton enfant, c'est normal, elle a 4 ans. Non mais ta gueule, au pire, c'est ma femme. Mais tu veux te marier avec ta femme de 4 ans? Oui. J'ai rien compris. Mais c'est la femme que j'ai là, qui a 23 ans comme moi, d'accord. Avec qui je veux me marier. Ah non, on peut vous marier là parce que Mickaël il a le droit. Ah, bah bien sûr, moi je suis prêtre. Ouais. Ah non mais ça va pas trop le faire, non. Mais bah, si, pourquoi réveille, mais là, si alors. Vas-y, attends, on va l'appeler nous, t'inquiète pas, comment elle s'appelle Louis? Mais non mais en fait son numéro il est masqué. Coupé. Bah parce qu'on peut le démasquer, hein. On a une machine. Bon, bien sûr. Ah, mais elle a plus de portable, il est pété. Ah merde, mais elle a un fixe. Merde. Là, j'ai une copine. Bah et sa copine, elle a un portable, alors tant mieux, comme ça on peut l'appeler. Je le connais pas. Bah attends, et elle a pas un fixe, sa copine? Bah je connais que son numéro, mais il est pété. Louis? Ah lui aussi il est pété. Tu veux pas qu'on répète là? On fasse la cérémonie mais de répétition. Ouais, alors attends. Oui, on répète. Ouais, on va répéter. Donc imaginons mariage. Tu veux te marier où toi? Dans une belle chapelle. Dans une chapelle. Ah oui, carrément, toi. Tu bah oui, non, mais il a raison, bien sûr, évidemment. Donc, alors, attends, parce qu'il faut qu'on réfléchisse, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de mariage, pour le coup. Donc, faut quand même réfléchir à ces conneries. On a l'or pour la musique. Bah écoute, attends, parce qu'il faut que ça se mette en place ou ça. Il faut aller le chercher. Il est à la cave. Ça fait 1000 ans que j'ai plus fait. Le tapis, on va mettre le stagiaire par terre, on va marcher dessus. Oui, alors ça, on peut faire, effectivement. Ça, y a pas de problème, c'est totalement faisable. On a les dragées. Est-ce que tes parents sont prévenus, Louis? Non, pas encore, c'est la surprise. Mais est-ce que t'as demandé déjà à ton beau-père l'autorisation de prendre la main de sa fille? Oh, mais ça, je m'en fous du beau-père au pied. Ah non, non, non, non. Ah non, bah non, il faut faire les choses, il faut faire les choses proprement, on n'est pas des enculés. D'abord, je demande à la fille avant et après, je demande à la femme. Ah non, tu dois d'abord demander au père l'autorisation, voir si le père est d'accord de te donner la main de sa fille. Attends, on est gentleman ou on ne l'est pas? À 23 ans, tu dois. Pas gagné, toi. Ah bah pourquoi? Bah attends, si t'as un enfant avec elle, il va rien dire. Non, ça je coûte déjà pour l'enfant. Hein. Ah mais et comment il s'appelle ton fils? C'est une fille. Ah c'est une fille, bah comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lilia. Lydia? Lilia? Lilia. Lilia. Voilà. Ah ouais. C'est bien. Non, c'est bien Lilia. Hein, non, c'est ma belle-mère qui a choisi ce prénom. Ah, c'est ta belle-mère. Bah, en plus, c'est normal, c'est la belle-mère qui choisit le nom, mais évidemment. Bon, alors très bien. Alors, il y a Serge qui dit il n'a pas mué, Louis, ou quoi. On dirait qu'il a une voix d'un gars de 20. On dirait pas qu'il a une voix de 23 ans. Monsieur, enfin, voyons, c'est dans vos oreilles. Pauline qui dit genre, il a 23 ans, vous me faites rêver. Il y a Amandine qui dit Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Ah, ouais, effectivement. Attends, reste là, Louis. Reste là. On va préparer tout le bordel pour le mariage. Il y a également Naël qui est avec le Toulouse, là, Naël. Ouais. Sur quelle chanson t'arrives à pécho facilement, toi? Moi, ouais, franchement. Sur n'importe quelle musique. N'importe laquelle, toi, tu t'en fous, t'arrives à pécho direct, toi? Ouais, moi, je fais une petite diversion sur la piste de danse et c'est réglé. Ah, ouais, évidemment, ouais, évidemment, ouais. évidemment. Bon. Laisse mon corps se balader sur le tempo. Eh ben, t'as bien raison, Naël. Bon, alors, on va parler des gros culs dans quelques minutes, donc reste avec nous. Et puis, il y avait des auditeurs qui avaient demandé sur quelle musique. Ah non, c'était Sandro? Ou je sais plus, auditeurs peut-être. Sur quelle musique? Eh ben, je pense que celle-là est pas mal parce qu'elle démarre tout doucement. Bon, c'est les Guns N' Roses. C'est November Rain. Elle fait 9 minutes, donc déjà, t'as le temps de pécho, pépère. Hein. C'est vrai, 9 minutes, c'est bien. Ouais, oui, bah c'est pas mal. Voilà, t'as l'avantage, ça démarre doucement en mode slow, un peu comme Led Zeppelin avec Stairway to Heaven qu'Amandine proposait. Et puis après, évidemment, ça monte petit à petit. Hein. Voilà, là, ça monte toujours, t'es pépère. Là, t'as la copine, tu vois, elle est. Imaginons que t'es enlevé. Pépère. Elle dort, là. Non, pépère, ouais. Pépère. Là, on est même pas enlevé, on est encore en mode. On est encore en mode préliminaire. Tu vois, il dit darling dedans, chérie et tout. C'est beau. Ensuite, donc là, on a 1 minute 30, on va un peu plus loin. Voilà, là, tu commences à prendre les choses de manière un petit peu plus sérieuse. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu commences à faire du va-et-vient légèrement plus rapidement, mais pas trop vite non plus. Parce que si après t'es précoce, après tout s'en va, bon, bref. Donc là, on est à 3 minutes, ça redescend un petit peu. Et puis là, voilà, attends. Hop là. Là, ça marche encore un peu plus vite. Tu vois, on continue. Là, t'as un petit solo un peu romantique. Tu la prends dans les bras, t'es là, t'es in love, une petite larme qui coule. Quand est-ce qu'on met un doigt? Non, mais une seconde. Ah, pardon. Y a pas de doigt, c'est dans le romantisme de là qu'on travaille. On est dans le romantisme. Là, on est à la moitié de la chanson. Là, on continue. Voilà, donc là, t'es en train de la préparer. T'es en train de lui dire, attention, tu vas prendre cher. Tu t'en rends pas encore compte maintenant, mais ça va pas tarder à démarrer. Voilà. Et là, elle se dit, ça y est, je vais prendre cher à ce moment-là. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Parce que regarde, ça reste quand même relativement plat encore. Hein, c'est tu la vois. Piège. Voilà, c'est ça. Là, c'est juste une sensation. Elle imagine que. Et puis au moment. Voilà, au moment où elle pense que c'est fini. Voilà, t'as fini. Ah, t'as déjà éjaculé. Bah oui, machin. Mais sauf qu'en fait, il y a la petite surprise. Ah, il y a la petite surprise. Il y a le morceau, le moment caché. Et alors là, je peux te dire que les deux dernières minutes, elle va prendre cher sa race. Hein. Alors attention, écoutez bien. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, vous savez comment ça va finir. Mais pour les autres, alors écoutez, attention, c'est parti. Et là, de plus en plus vite. Si vous êtes en train de faire l'amour, suivez mes conseils. De plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et là, on est au taquet. Il faut continuer. Il faut garder le rythme. Et attention à ne pas partir trop vite. J'espère que vous y avez été le pistolet déchargé. Là, vous lui remettez une petite cartouche quand même. Vous pouvez changer de position en même temps, hein, ça pose pas de problème. Continuez là-dessus. Et là, attention, la finale, il reste 1 minute 20. Et dans la dernière minute 20, il va falloir tout donner. Hein. Là, vous pouvez prendre, comme dirait Polo, pour tirer un peu les cheveux. Voilà, vous tirez un peu les cheveux, mais pas trop, hein, pas lui faire mal. Là, la petite claque, elle arrive juste à ce moment-là précis, à 1 minute 10 de la fin. Attention, c'est parti, la claque. C'est là que tu lui mets des grosses fessées. Voilà. Ok, donc là vous avez bien compris. Et là attention, elle croit que c'est encore fini. Mais non, on recommence. Voilà. Là il reste 50 secondes. Et là il faut encore une fois tout donner. Une petite encore. Voilà. Attention à ne pas faire d'écart. Ça ferait mauvais genre. Voilà, et là on arrive tout doucement à la fin. Là vous pouvez, ça y est, vous pouvez vous lâcher les mecs, c'est parti. Et ben voilà. On était bien ou pas là? On était au top. Bon, on récupère tout le monde juste après sur Fun Radio là. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on donne la réponse à la colle après le son d'Avicii, Addicted to You. I don't know just how it happened. C'est Fun Radio avec le son d'Avicii à l'instant, c'était Addicted to You. Allez, bienvenue sur Fun Radio, il est minuit 20 là, il y a Alexis qui dit couchez là-dessus, c'est la chanson de l'année, c'est Sandu Tiorba avec Pessimpoi. Qu'est-ce que c'est ce truc? Quelqu'un connaît maintenant? Non, mais c'est Poi. Non, mais là. Je peux chercher. Attends, vas-y. Bah vas-y, voilà. Regarde. Tu l'as? Ouais, c'est bon. C'est ça là? Ouais. Non, mais vous êtes sérieux? Ah, faut voir le clip. Non, mais vous pouvez pas baiser là-dessus, Alexis, quand même, t'es en train de te foutre de moi là, non? Caillou là. Oh là là! Ah non, mais il faut les voir, hein. Eh Naël, tu pourrais baiser là-dessus, toi? Ouais, bon, c'était bien. Ah ouais? Bon, bah écoute, alors tant mieux. Il y a Indioul Piu Piu qui dit tu m'as fait rêver, Mickaël. Bah écoute, tant mieux. Sophie qui dit Marvin Gaye aussi avec Sexual Healing. Ah oui, ah bah oui, évidemment. Marvin Gaye, c'est du lourd. Voilà. Ça vous donne des idées comme ça si vous êtes avec votre mec ou avec votre copine là. Marvin, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez l'info, classique. Marvin Gaye, il y a un mec qui a retrouvé son passeport. Ouais, oui, effectivement, et dans un vinyle, il a acheté dans une brocante. Non. 20 000 euros. Il a gagné 20 000 euros avec non, le passeport. Non, le passeport, s'il le vend, ouais. Il est aux enchères ou à un professionnel. 20 000 euros. 20 000 euros. Putain, j'ai mon passeport à vendre si vous voulez. 2 euros. Non, c'est rare. Oui, il y a des cachettes dessus. Hein. Ah, d'accord, bah, moi j'ai 3 euros. Bon, bah c'est cool. Serge également qui dit en tout cas, c'est un sacré mytho celui-là qu'il retourne se coucher ce garnement. Il y a Sophie. Attends, mais ça c'était. Il y a Pauline aussi. Moi j'adore faire l'amour sur Simaric de Tarkane. Oh c'est ça. Non, mais je le vois déjà le mec mettre des coups de bite, mais sur les. Ouais, c'est tu ça. Vois, ouais, bon, on s'en connaît. Ouais, Tarkane, putain, j'avais oublié. Attention, coup de bite. Dédicace voilà. À la friterie Alba. Bien sûr, Maël aussi qui dit le gamin qui s'invente une vie, sérieux, on dirait qu'il a 9 ans. Et Anthony qui dit moi aussi je veux Mickaël comme prêtre. Oui, ah et on peut pas tout avoir non plus. Alors attention. Bon, on va revenir avec vous toutes et vous tous. Et puis je vous rappelle également qu'on sera pourquoi ça marche plus ma machine. Ah voilà, c'est ça. Qu'on sera donc c'est jeudi prochain entre 21h et 23h, soirée spéciale Star Wars. Star Wars, vous allez pouvoir venir avec nous, évidemment, ça va être la folie totale. Star Wars Identity, c'est à la Cité du Cinéma à Paris, à Saint-Denis. Et vous allez pouvoir venir avec nous, c'est une expo sur Star Wars qui va juste être énormissime. Si vous voulez venir, on y va évidemment avant même l'ouverture, il y aura que des VIP. Oui, il y aura nous, que de la star. Des grosses VIP, hein, pour le coup. Il y aura Apollo. Exactement, il y aura R2-D2. Oui. Il y aura également Obi-Wan qui sera là. Oui. Voilà. Et il y aura bien sûr Dark Vador. Et Yoda surtout. Et Yoda, bien entendu. Tout le monde sera là. Et bah, et oui, bah, Toph également, évidemment. Donc, et on aura des sabres laser. On va essayer de couper la main de Toph. D'accord. On va enfin pouvoir le tuer. On va essayer, ouais. Ah. Et donc, si vous voulez venir avec nous, on a des passes VIP pour l'inauguration de Star Wars Identities à gagner là. Il suffit simplement d'appeler maintenant Sandro 01 42 48 5000. Et puis, bah, voilà, il n'y a pas de jeu. Hein, vous appelez. Et puis, les premiers qui appellent repartent avec leur passe pour Star Wars Identities. Je vous souhaite donc bonne chance. Il y en a un qui veut faire Je suis ton père ou pas? Non, la dernière fois c'était pas terrible. Ah, bon, alors, vas-y, essaye, Naël. Je suis ton père. Non, ah ouais, prends de la ventoline. Non, pas mal. C'est pas par mal. Rapport à toi, hier, je peux te dire qu'il est quand même vachement bon. Ah non, vraiment, pour le coup, vraiment bravo. Bon, Naël, on va parler des gros culs, puisqu'on va d'ailleurs faire des appels dans quelques minutes avec Toff. Et on était tombé sur cette info qui disait que, apparemment, ceux qui ont les filles qui ont des gros culs seraient plus intelligentes que les petits que celles avec des petits culs. Ça, je te le garantis, ça. Ah bon? Mais pourquoi tu me le garantis? Comment tu peux me le garantir? En fait, moi je t'explique, en fait, tu vois, moi j'ai eu la chance d'avoir. Bon, je l'explique, je suis gay, hein. En fait, je suis gay. Ouais. Donc du coup, moi, mon copain, donc j'avais la chance qu'il était d'origine espagnole. D'accord. Donc du coup, je profitais vraiment de son fessier, il avait un fessier bombé. Ouais. Donc moi, en fait, c'est à chaque fois que je faisais l'amour, j'avais cette manie de lui faire... De, à la base, je lui mettais des fessées, tu vois. Ouais. Après, j'en avais marre, donc du coup, je préparais du matériel pour que ce soit plus excitant, tu vois. D'accord. Du matériel, donc, c'est-à-dire des planches. En fait, à chaque fois que je faisais l'amour, j'avais du matériel à côté de moi. Mais c'est quoi du matériel? Donc alors je prenais, je faisais une liste, tu vois, la journée je faisais une liste, quand il rentrait du boulot, ben c'était parti. Tu prenais donc, quoi dernièrement, c'est dernièrement, il y a, parce que maintenant je suis plus avec, et d'ailleurs j'ai besoin de vous pour le récupérer. Ouais, oh, champignon. D'accord. Donc en fait j'avais préparé une liste, donc c'était une boîte de DVD. Ouais. Parce qu'en fait à force de le frapper avec ma main, j'avais trop mal, parce que moi j'aimais bien voir la trace de ma main sur ses fesses. Si j'avais pas la trace rouge sur tes fesses, j'arrivais pas à éjaculer. Oh là là là là. D'accord, ok, ok. Et en fait, donc, donc, une fois que t'avais éjaculé, tu lui étalais le sperme pour essayer d'atténuer la douleur. Ah, il faut toujours qu'il aille trop loin, lui. Voilà, quel gros porc. Tu vois, en plus, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc alors, dernièrement, c'était il y a 2 semaines, donc c'était une boîte de DVD, j'avais avec moi. J'avais un disque, j'avais une pelle. Une pelle, tu vois, une pelle avec, qui est associée avec le balai. Hein. Bien sûr. Pas une pelle. Sinon là, je tisserais le coccyx. La nuit. Et en fait, à chaque fois que je faisais l'amour, tu vois, je tapais avec la pelle, le DVD. Et en fait, j'ai la chance d'avoir un taser. Et je voulais essayer. Arrête. Ah, je te jure, même si tu veux, j'ai la photo et tout ça. Donc, tu vois, pendant que je faisais l'amour. T'es pas pote avec le Maxime qu'on a eu au début d'émission, toi, Daniel? Ah ouais, non, mais franchement, là, il m'en veut de fou. C'est pour ça, il m'en veut de fou. Et donc, du coup, bah, je faisais l'amour. Et d'un coup, j'ai mes coups de taser sur les fesses. Franchement, il a mal pris. Mais t'es pas sérieux? Ah, je te jure. Je te jure, il a mal pris. Mais sans déconner. Mais non, mais j'ai pas tasé longtemps, le pire, c'est que j'ai tasé 5-6 secondes, quoi. Mais t'es un ouf. Mais c'est une éternité, 6 secondes. Mais t'es un ouf. Il a commencé, quoi. Il m'a dit, tu m'as pris pour un objet. J'ai dit non, c'est une passion que j'ai. Quand je fais l'amour, si je te fouette pas les fesses comme il faut, je me sens pas. Ça t'excite pas? Ah voilà, non, s'il n'y a pas de mouvement sur le fessier, moi ça m'excite pas. C'est-à-dire d'accord. Et là, j'ai voulu tester le taser, tu vois, j'ai tasé 5 secondes. Ouais, c'est ça, 5 secondes de taser, c'est rien. Ouais, rapide. Ouais, oui, c'est ça, un petit bzzz. Et là, il a pété un plomb, tu vois, j'ai déclenché une crampe et tout. Et, bah oui, sans déconner. Du coup, je lui ai dit, on prendrait d'autres objets, tout ça. Il m'a dit non, du coup, il est reparti. Et voilà, si tu pouvais m'aider à le récupérer, ça serait. Bah évidemment, mais attends, on va l'appeler en direct, il n'y a pas de problème. Comment il s'appelle? Il s'appelle Anthony. Anthony. On va lui dire que t'as revendu le taser. Puis ça voilà, exactement. Ah ouais, non, le taser, il a pris, il a éclaté contre le mur. J'ai fait, c'est bon. Non, mais t'as raison, Naël, faut pas te laisser faire. Le truc, c'est que j'ai commencé par des trucs simples, tu vois, le boîtier DVD, la pelle, des petits. Mais fessiers, oui, c'est ça, des trucs basiques, quoi. Ah, des trucs que tout le monde a chez lui. Mais là, tu vois, ça m'excitait, parce qu'il y avait le bruit de taser, il y avait le bruit, lui, crier. En fait, je sais pas s'il criait parce qu'il aimait ou parce qu'il avait mal. Mais je suis sûr qu'il aimait, évidemment. Évidemment qu'il aimait. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est venir essayer sur Tof. Bien sûr, avec plaisir. Ah ouais, franchement, si vous voulez, même je peux vous faire une sextape. Ah bah bien sûr, tu fais une sextape avec Tof, on va être bien. Parce qu'en fait, comme je disais, mon copain d'origine espagnole, il est caliente, tu vois. Ouais, il est caliente, ouais. Lui, tu vois, c'est par exemple sa passion, lui, c'est il parle espagnol quand je fais l'amour. Ah si, hola, que tal? Si, mas, mi amor, mas. Ah, mas. Mas, ouais. Et là, je te jure, il a mal. Et là, lui, en met des masses. Hein. Ah bah oui, il a mis des masses, effectivement. Et bon. Et donc, comment il s'appelle ton mec? Anthony, d'accord, ok, Anthony. Bon, écoute, Naël, reste avec nous, on va te reprendre dans quelques minutes. Ah ben non, on va l'appeler dans quelques instants, mais on va d'abord offrir la Xbox One à Damien, peut-être. Damien, t'es là? Oui, toujours. Très bien. Allez, c'est parti, c'est le moment, c'est l'instant. Nous allons appeler maintenant le ou la gagnante éventuelle de cette Xbox One. Depuis 23h, tu as posé la colle, Damien, à tous les auditeurs de Fun. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse, enfin a trouvé la bonne réponse, il a été sélectionné, on va l'appeler maintenant. S'il décroche et qu'il donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. S'il ne décroche pas ou que sa réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne, Damien, d'accord? Allez, ça va. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant pour gagner la Xbox One. Je te souhaite bonne chance. Merci. Et puis on écoutera Britney Spears aussi avec Till It's Gone juste après. Allez. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Alexandre. Salut Alexandre, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et je t'appelle Alexandre parce qu'il y a Damien. Alors attends, on va d'abord attendre qu'Alexandre ait terminé de jouer avec son téléphone. Ouais, c'est bon. Ça y est? Ouais. Parfait. Donc Damien a une colle à te poser, Alexandre. La réponse c'était chapeau. Non mais attends, il faut d'abord qu'il pose la colle, Damien. Enfin bon. Excuse-moi. Du coup la réponse est donnée, Damien, c'est la bonne réponse. C'est ça. Et ben voilà. Hey, t'es dans le local à poubelle là ou quoi? Ouais, t'es où là, Alex? Ah, t'es à l'internat, d'accord, ok. Gueule un bon coup là pour réveiller tout le monde là à l'internat à minuit 30. Qui sache que t'as gagné une Xbox. Mais c'est pas grave, pour une Xbox One, tu peux le faire. Hein. Oui. Moi, je propose que tu cours dans les couloirs en disant j'ai gagné une Xbox One. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Tu gueules comme ça. Écoutez Mickaël No Limit sur Fun Radio. Écoutez Mickaël No Limit sur Fun Radio. Non, c'est Mickaël, tu ouais, dois c'est le refaire. Ouais, dis en français, Mickaël No Limit sur Fun Radio. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Ouais, bah bon, d'accord, ok, mais si je dis écoutez Mickaël No Limit tout en chuchotant, il faut crier un bon coup là. Ah, mais j'ai crié, mais. Et dis, gueule fort. Allô, dis gueule fort parce que j'aime bien la résonance. Je vous encule tous, bande d'enfants de putain. Non, non, il va se faire virer là, il va se faire virer. Toi, le pion. C'est clair, oui, c'est clair. Bon, et bah bravo Alexandre, la Xbox One elle est gagnée, c'est pour toi. Avec plaisir, tu vas retourner chez Sandro Standard, on va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer ça rapidement, d'accord? Ok. Salut à toi Alexandre, ciao à toi. Et Damien, ben merci quand même d'être passé, hein. Tu reviens quand tu veux, hein. Ça marche, ok, pas bon, de problème. Salut Damien, à bientôt. Ouais, c'est ça, à bientôt. Ciao, à bientôt, bye bye. Bon, on va prendre Sofiane également, on va appeler son frère avec qui il veut se réconcilier. On va également reprendre Louis là qui veut demander sa copine en mariage et bah on va essayer de l'appeler évidemment en direct. Et puis Naël bien entendu, qui voulait aussi qu'on récupère son mec, hein. Là, tout le monde veut tout récupérer. Ah, mais tout le monde veut tout récupérer. On va faire des appels avec Tov dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis, le son de Britney Spears maintenant, c'est Till It's Gone. I'm blind from the tears that fall like rain. Le son de Britney Spears à l'instant sur Fun Radio, c'était Till It's Gone. Il y aura Fatboy Slim à suivre aussi sur Fun Radio. J'adore. Hit Sleep Rave Repeat sur Fun Radio. Je vous calerai aussi le nouveau son de Guetta que vous avez découvert sur Fun Radio évidemment, Shut Me Down. Et puis un son que vous avez passé hier là, Dust et Nicki Minaj avec Damn. Voilà, c'est ce qui va arriver avant 2h du mat sur Fun Radio. Si vous voulez choisir des sons, hein, n'hésitez pas. Vous mettez le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Pareil aussi, venez nous rejoindre sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. On va jouer aussi au karaopé, hein. Donc si jamais vous avez envie de venir jouer avec nous au karaopé, on va jouer d'ici une petite demi-heure, hein, le temps que vous inscriviez justement. Le karaopé, c'est tous les soirs sur tous les mercredis soirs sur Fun Radio. Et le principe est très très simple, hein. Et ben on va vous diffuser des chansons comme là par exemple, hein, la version original c'était celle-là. Indochine avec l'aventurier. Et il fallait découvrir Indochine grâce à ça. Ça colle. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous au karaopé, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Bon, on va faire les appels aussi avant de récupérer tout le monde. Promis, je vous reprends juste après. On va faire les appels maintenant puisque nous sommes rendus compte grâce à une étude d'Oxford. Oui. Que les filles avec un gros cul étaient plus intelligentes que celles avec un petit cul. Mm-hmm. Voilà. Donc on appelle des gens depuis tout à l'heure. Je ne demande qu'à les croire. Bah oui, bien sûr. Depuis, on appelle des gens, hein, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et donc, on appelle des gens encore debout à cette heure-ci qui sont plutôt du style bah, comme celui-là. Je brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà. Et donc, du coup, on les appelle et on va encore en appeler un maintenant. C'est parti, afin de demander si. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Pardon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait un gros cul. Ok, ça peut te foutre, connard. Bah, c'est pour savoir, monsieur. Ouais, c'est ça, et ta sœur? Bah, je vois pas le rapport avec ma sœur, monsieur. Bah, et ta sœur, elle est montée comment? Bah, et ça n'a aucun rapport, monsieur. On parle de votre... Qu'est-ce que ça peut te foutre, le cul de ma femme? Bah, c'est parce qu'il paraît que les femmes qui ont un gros cul sont plus intelligentes que les autres, et du coup, je voulais savoir comment ça se passait chez vous. Ah ouais, bah toi, tu dois avoir un petit cul, alors, parce que, comme t'es, à mon avis, tu dois avoir un petit cul, je pense. Oui, mais... t'es pas équipé, quand même, il me semble. Hein. Oui, d'accord, mais alors pour votre femme? Bon, comment qu'on fait là? Je te bourre la gueule tout de suite ou on attend un peu? Bah non, vous me dites si votre femme a un gros cul et si elle est intelligente, c'est tout. Bah ma femme intelligente, ouais, non, niveau gros cul, non, ça va, je vais pas me plaindre. Et ta femme, toi, elle a un gros cul, qu'est-ce qui se passe? Non, moi j'ai pas de femme, monsieur, moi. T'as pas de femme? Ah bah en même temps, je vais te dire un truc, ça m'étonne pas, hein, parce que t'as pas l'air pinot, garçon, quand même. Hein. Oh non, monsieur, vous pouvez pas dire ça. Ah bah si, je peux même te dire limite que t'es un gros con et que j'aurais un nom comme Top, et ben bah, j'oserais même plus sortir de chez moi sans déconner quoi. Ah ouais quand même monsieur, là vous êtes un peu dur. Ouais carrément, ouais je suis hard, hein, mais tu mérites que ça en même temps, hein, sans déconner, et encore je suis soft là, je suis soft parce que t'es pas agressif, t'es gentil, je me lâche pas trop parce que sinon je serais vache, hein, sans déconner. Ah oui. Ah bah c'est... ouais, c'est clair. Parce que bon c'est quand même tendu monsieur, hein, tout ce que vous me dites. Ouais, bah ouais, t'es un peu gentil comme ça, t'as une petite voix sympa et tout, mais bon, quand même, gros, t'as pas inventé l'eau chaude, sans déconner. Ah ouais, je suis... Ouais, d'accord. Hein, bon. C'est bon, bon, ma femme a un cul pas trop gros et tout, ça va, elle est pas mal gaulée et tout, c'est bon. On en reste là, on est pas mal là, non hein? Ouais, on va se quitter bons amis. Voilà, moi, je trouve ça pas mal aussi, je trouve ça, hein, c'est bien comme ça. Bah, hein, c'est parfait. Hein, bon, ouais. Allez, eh ben, tu sais quoi, Tof, une petite bise sur la face gauche, à bientôt. Hein? À bientôt, au revoir, ça m'a fait plaisir. Ah, moi aussi, promis, sans déconner, pas mal, hein. Bon, allez. Salut, Tof. Au revoir. Eh ben voilà, ouais, bah, très bien là, et bonne occasion là, hein. Oui, il était sympa. On s'est mis bien. On en appelle un autre pour essayer d'avoir un peu plus de violence ou oui, pas. Oui, oui, parce que là j'ai juste été insulté. Ouais, fait. Bon, allez, alors c'est parti. Attends, on va rappeler un autre là, vite fait. Hop, j'ai pas été aimé. Bah ouais, je sais bien. Comme je le mérite. Bah oui, c'est sûr. Allez, hop, et on récupère Sofiane juste après. Louis. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait un gros cul. Non, pourquoi? Bah pour savoir, parce qu'il paraît que les femmes qui ont un gros cul sont plus intelligentes que la moyenne, donc du coup la vôtre est bête. Pardon? Non, je dis du coup, comme votre femme a un petit cul, elle est un peu bête. Comment ça? Bah parce qu'il paraît que les femmes qui ont un gros cul sont plus intelligentes, donc comme la vôtre elle a un petit cul, elle est un peu bête. Ferme ta gueule. Pourquoi vous me dites ça monsieur? Mais il veut quoi lui? Non mais t'as entendu ce qu'il dit sur toi là? Non mais t'es sérieux toi? Bah oui je suis sérieux monsieur, c'est une étude qui a été faite à Oxford. Je t'emmerde. Oui, peut-être. Non, mais parle pas comme ça, parle calmement, explique-toi. Non, mais t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Et alors? C'est bah, qui, celui-là? Bah, non, mais tu t'appelles vraiment comment? Bah, je m'appelle Tof. Genre, c'est le gars de la radio, tu sais. Et du coup, moi, je voulais savoir si votre femme avait un gros cul pour voir si, en fait, l'étude est vraie. Je t'emmerde, je vais te faire bouffer mon cul, connard. Non, c'est celui de votre femme qui m'intéresse. Oh, mais il est pas bien. Mais je t'encule, toi. Ah, bah non, monsieur. Pas ça entre nous. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis là? Bah oui. Non mais attends deux secondes, attends. Bon tu parles comme ça toi? De chez moi. Ouais mais c'est quoi ton adresse? Alors moi je suis 20. Ouais. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D à Paris. Ah mais je vais venir te péter la gueule. Oui si vous voulez mais ça répond pas à ma question. C'est quoi ton nom? Bah Tof, je viens de vous le dire. Bah, je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre. Attends, famille. Bah Tof. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Non mais t'es un sacré petit bâtard toi. Hein. T'es avec elle, tu vas voir, c'est de pute. Oh non, pas de violence entre nous. Enfin, moi je vous appelais gentiment. Eh bah écoute, si je veux être gentil, moi je vais ramener, je vais t'enculer à sec, tu vas voir. Oh non, pas de ça entre nous. Ta gueule. Vas-y, dis-lui, rentre chez lui. Non, mais attends, il veut se peigner à ma tête, fils de pute, mais il va se calmer tout de suite. Je vais ramener mon couteau, je vais te planter. Ah bah non. C'est dire que ça ou quoi? Bah non mais enfin moi je vous appelais pour vous poser une question, après vous vous emportez, vous sortez votre cou... Et ta mère elle a un gros cul? Non ça va. Mais en même temps... Je vais venir, je vais l'enculer à sec toi, tu vas ramener toute sa famille fils de pute. Oh non, pas ma maman. Vas-y dis-lui va se faire enculer. Ouais bah voilà elle a un bon petit cul mais si tu te ramènes je te démonte fils de pute. Ah donc elle a un petit cul donc elle est pas très fut-fut quoi. Et non mais t'es un bâtard toi tout insulte. Mais j'insulte pas, moi je ne fais que constater les choses. Et ta mère a un gros cul toi? Non! Et bah voilà, bah c'est une grosse conne! Enfin, ta gueule! Voilà, moi je t'encule, voilà, à ta gueule maintenant! Oh, dis donc, on a bien fait la paix! J'adore! Hein. Genre, c'est le mec de la radio! Ouais! Et j'aime bien parce que, tu sais, avec sa voix, il fait caïd! Alors que. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on le rappelle encore un coup, une petite dernière, ouais. C'est pour moi là! Attends, hop là, voilà, c'est reparti! Allô? Oui, mais vous êtes vraiment sûr que vous voulez pas me dire? Mais c'est encore toi? Bah oui! Non, parce que vous aviez pas répondu, donc je me dis que peut-être vous vous êtes calmé entre les deux appels. Ta bite, elle est petite, alors tu fermes ta gueule. D'accord, mais je vois pas le rapport avec ma bite, on parle du cul de votre femme. Non mais t'es sérieux, toi? Bah oui, je suis sérieux. Non mais oh, tu prends pour qui? Bah pour Tof, je vous l'ai déjà dit. Mais t'es qui, toi? Tof? Tof pas? Non, moi j'offre rien, moi je suis Tof. Putain... Hey, je vais me ramener chez toi, mais je vais te démonter. Hein. Oui, je sais, vous me l'avez déjà promis, mais vous voulez pas juste répondre à la question, ça suffira. Hein. Ta gueule. Oui. Non, mais raccroché, bah, très bien. Au moins, ça mérite d'être clair. Bon, bah, en tout cas, il était bien, lui, hein. Ah non, lui, il était... Ah, il était en pleine forme. Waouh. Mais sinon, je voulais leur dire, je suis le vrai Tof de la radio. Oui, bien sûr. Eh, genre, c'est le mec de la radio. Bah, c'est énorme, ça. Bon, allez, tous les messages qui arrivent encore, hashtag Mickaël, vous continuez à les balancer, on lit vos messages. Sur le Facebook également, en facebook.com/Mickaël officiel. Et puis, on va, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a, Jérémy qui voulait réagir à la chanson, là. Jérémy, t'es là, déjà? Ouais. Très ouais, bien. Salut Jérém. Tiens, avant qu'on parle des chansons et avant qu'on reprenne Sofiane, est-ce que t'es déjà sorti avec une meuf qui avait vraiment une grande différence d'âge avec toi? Non, jamais. Non. Jamais. Genre la plus grande différence d'âge que t'as eu, c'était quoi? 18 et 15. Ouais, donc 3 ans, donc ça va tranquille. Non, je te demande ça parce que je tombais sur une bande-annonce d'un documentaire qui va passer sur Channel 5 en Angleterre avec une meuf de 73 ans qui sort avec un mec de 39. Bon, alors, non, faut voir leur tête aussi, hein, surtout lui. Hein. Donc 34 ans d'écart, je trouve ça quand même un petit peu abusé. Donc venez nous dire, hein, vous, votre plus grosse différence d'âge et surtout comment ça s'est passé pour vous. C'est par rapport aux vieux, par rapport cousin, cousine, tu sais, t'imagines, ta fille sort avec un mec qui est plus vieux que ton que toi le père. Ou du moins le même âge, tu vois, genre la même génération. T'imagines la plus bizarre. Si j'ai une fille comme ça, je la tue. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Quelle est la plus grande différence d'âge que vous avez eue avec votre copain ou votre copine, hein, ou même actuellement peut-être. On en parle, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, Sofiane, on te récupère. Sofiane ? Oui. Bon, tu voulais te réconcilier avec ton bro ? Ouais. Brother, ok, il s'appelle comment lui ? Brian. Et pourquoi vous vous êtes engueulé? Parce que genre j'ai fait un truc à l'école, voilà. Genre j'ai fait de la merde. Non mais quoi? Quelle merde? J'ai été collé, il m'a fait du chantage, je vais le dire à ton je vais le dire au grand frère et tout. Ah, j'ai rien compris. Et en fait, il a été collé parce qu'il a fait une connerie et Brahim a dit bah écoute, si tu sais comme ça, il lui a fait du chantage, il voulait le dire à son grand frère. Bah à mon avis, ton grand frère va te mettre une baffe. Ah ouais, oui? Non, pas que ça, pas que ça. Ah d'accord. Ah, d'accord, ok. Bon, tu veux qu'on l'appelle pour calmer les choses, toi? Ouais, voilà. Bon, tu lui parles? Ouais. Bon, allez. Qu'on lui chante une chanson? Bah oui, si tu veux, ça c'est pas un problème. Hein. Non, merci. Non? Bon, d'accord, ok. On aura essayé, Sofiane. Allez, c'est parti, on y va, Sofiane. Il s'appelle Brahim et vous appelez du Havre. Du Havre, donc. Allez, c'est parti. Bon, on est derrière, hein, si t'as besoin de nous. Hein. Allez. Là, on va en même temps, il est peut-être un petit peu tard. Ça sent le répondeur. Il doit dormir. Bah ouais, merde, c'est ma faute là pour le coup. Hein. J'assume l'entière responsabilité. On aurait dû l'appeler plus tôt, mais j'ai oublié. Même si le stagiaire a fait de la merde. Oui, bah c'est la faute du stagiaire. Je dis ça, j'ai rien, moi. Évidemment, comme d'habitude. Bonjour. Oui, c'est le répondeur, merde. Bon, Sofiane, tu veux qu'on réessaye un coup ou alors demain on prend plus tôt dans l'émission? Je pense que je vais lui la réveiller, en plus il attendait l'appel. Ah bon, bah alors réveille-le, tu chutes un peu dans la porte là. Deux secondes. Oui, bah alors vas-y. Tu tapes un peu dans la porte et puis voilà. Ça, ils vont se battre une deuxième fois. Mais oui, mais oui. On peut mais lui voilà. Mettre la sirène dans la gueule si tu veux. Ouais, ou alors tiens, tu tapes un coup comme ça quoi. Ouais, tout en douceur. Il se réveille. Oh là, tu m'as fait peur. Thriller. Alors, il se réveille ou pas? Putain, c'est une putain de... Mais quelle horreur, c'est fort. Oh, on dirait un vieux château là. C'est une putain de porte. Hein. Ça, c'est quand je suis venu chez Toff une fois, c'est comme ça que j'ai été accueilli. C'est ça. Alors, il se réveille ou pas? Vous pouvez le rappeler. Ah, on peut le rappeler, très bien, parfait. C'est bien d'appeler deux téléphones ou dans le même endroit, c'est cool. Dans la même pièce, c'est pas mal, j'aime bien ce concept. Bon. Les mecs ne parlent pas, tu sais. Allez, vas-y. Non, mais il faut un médiateur, c'est pour ça qu'on est. Ouais. Brahim. Il est sérieux lui? Soit c'est une vache. Je sais pas, il est où son téléphone? Bah il a pas envie là. Hein. Je sais pas, il se rend en deux secondes. Bon, laisse-lui un message sur le répondeur, au pire il écoutera demain. Ouais, voilà. Bonjour, vous êtes sur la messagerie voilà. 07. Voilà, donc tu laisses un petit message là, pépère, Sofiane, hein, tu t'excuses et tout, et on prendra des nouvelles demain. Après le signal sonore. Vas-y, Sofiane. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Bonjour, ouais. Brahim, c'est le clown Polo. Vas-y, Sofiane. Ah, je dois parler, c'est ça? Bah oui, c'est mieux, en fait. Il y a eu le bip, hein, c'est le concept. Ouais, bah, je veux qu'on règle ça, voilà. Ah ouais, putain, ouais, là, on sent que t'as envie d'arranger les choses, là. Moi, je m'attendais à ce que tu l'appelles pour t'excuser, tu vois, un truc, genre, j'ai fait une connerie, je suis désolé. Non, mais ce sera mieux en direct. Bah, normalement, c'est à lui de s'excuser, comme il s'est mérité mes affaires. Ah, tu vois, là, t'auras mis l'huile sur le feu, là. Et moi, j'en remets encore un peu plus. Brahim. Dans ta gueule. Voilà. Bon. Bon, bah, Sofiane, on rappellera demain pour prendre des nouvelles, hein. Oui, est-ce que je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Bah, c'est important parce que je pense que vous connaissez le nom. Bah, dis toujours. Niro, vous connaissez? Niro? De quoi? Tu veux une chanson? Non, le rappeur. Niro? Non, pas du tout. Vous connaissez pas du tout? Pas du tout. Après, je suis pas très rap, hein, mais. Moi, je connais Néron qui a brûlé Rome. Voilà, moi, je connais Niro, hein, de un petit groupe de meufs plutôt méga bonnes qui font de la musique. Robert De Niro, grand acteur. Voilà aussi, mais le rappeur, non. Pourquoi c'est qui Niro? Parce que là, il est connu, là, il a chanté avec Ruff, La Fouine. D'accord. Et je voulais dire une autre dédicace à mon cousin Morbengo, il s'appelle. Bon, ben voilà, ben très bien, les messages sont passés du coup, pas de problème. Bon, on te rappelle demain pour prendre des nouvelles, Sofiane, d'accord? Ouais, moi aussi je rappe aussi. Ça, ben très bien, ben tu nous feras un petit truc demain, Sofiane. Hein, ouais, pour sur l'excuse de ton frère, là, t'aurais fait un petit rap, c'était pas mal. Ouais, je vais écrire un texte, je vais penser. Bon, ben fais comme ça alors, ça roule. À demain, Sofiane. Ouais, bonne nuit. Hein. Allez, ciao à toi. Récupération dans un instant de Jerem avec les chansons. Naël, par rapport au gros cul, il voulait qu'on l'appelle son ex avec les coups de CD là. Il m'a même fait penser un peu à Maxime du début de l'émission. Ah, ouais. Mais bon, on verra. Le son de Fightboy Slim, c'est maintenant sur Fun Radio. Hit, sleep, rave, repeat. There is this DJ who's like kicking off. Fightboy Slim sur Fun Radio. Hit, sleep, rave, repeat. Et il est minuit 52. Oh là là, dans une heure c'est déjà fini. Non. C'est ouf quand même là. Bon, il reste encore une heure, hein, rassurez-vous. Si vous voulez délirer avec nous, vous êtes les bienvenus. Appelez-nous pour parler de ce que vous voulez. 01 42 48 5000. Ici, vous appelez, vous passez l'antenne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas des acteurs comme ailleurs, par exemple. Non mais c'est vrai. Enfin, des acteurs, c'est vrai. Des potes quoi. Donc, vous pouvez aussi appeler depuis la Belgique. 02 851 4x0. Il y a Antoine qui dit mon père, il a 60 ans et ma mère 36 et je n'ai que 14 ans. Ah ouais, putain quand même. Hein. Kikiwi qui dit c'est le clown Polo, le fou rire. Et Mystique qui dit putain Polo, tu fais chier, tu casses tout. Oh. En même temps, vu ce qu'il avait préparé, Camélis qui dit mort de rire, le clown Polo, et Aurore qui dit moi j'étais avec mon ex, on avait 10 ans d'écart, on est resté 4 ans ensemble, j'avais 18 ans, il avait 28 ans et on s'est quitté quand j'en avais 22 ans. Et Antoine qui dit mon père il a 60 ans, ma mère 30, ah oui, j'ai 14 ans. Et Pauline qui dit 16 ans de différence. Moi je vous ai demandé les plus grands écarts que vous avez eu entre votre copain et votre copine. On va en parler dans quelques minutes. Louis, t'es toujours là, Louis? Oui. Bon, t'inquiète pas, la cérémonie de mariage se prépare, hein. On est en train d'arranger le studio pour t'accueillir. On fait ça dans quelques minutes, d'accord? Ah. Bon, reste avec nous, on va se faire le karaopé dans quelques instants avec Lucille, avec Laura, avec Cédric, avec Kevin. Et on va d'abord clôturer avec Naël. Naël, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, très bien, Naël qui nous avait appelé parce que il veut récupérer son ex, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, parce que tu lui as mis des claques sur les fesses, c'est un coup de taser aussi, donc ouais, forcément il l'a mal vécu. Il a mal pris, ouais. Bah, oui. Ah, mais je comprends. J'angoisse. Bon, bah, j'imagine. On va l'appeler maintenant, il s'appelle comment lui? Anthony. Très bien. Bon, allez hop, c'est parti, on y va. Tu lui parles, Naël? Bon, vas-y, j'essaie de lui parler. Tu veux qu'on le tase? Ah, bah mec, moi de toute façon, je parle pas espagnol, hein, Anthony, je te le dis direct. Hein. Non, mais il parle français, en fait, il est français. Hola, que tal? Il est espagnol. Ah, hola, que tal, ça je peux dire. Hein, de verdad. Corones, ça je peux dire aussi. Que rico. Et verdad, ça je peux dire aussi. Chupa, très important. Chupa, bien sûr, évidemment, ça je connais aussi. La base. Et voilà. Culo. Et culo aussi, ouais, culo. Moi j'ai un pote aussi qui s'appelle Sébastien qui est un peu homosexuel aussi. Je sais pas si tu connais. Mais s'il veut faire un plan, enfin, il faudra voir avec Anthony. Mais il est beau, il est musclé et tout. Hein. Bien, ah ouais, non, du faux muscle, mais du muscle. Avant de montrer des muscles, c'est surtout le fessier. Il a le fessier. Il a en plus, quand tu le défonces, il dit eh ben là, alors chaque fois tu dis oui quoi. Voilà, tu lui dis ça et puis lui il a kiffé. Hein. Ah non, mais c'est vrai. Non. Ah ouais? Bien sûr! Tu lui mets un coup de taser, à chaque fois il va dire Everlan, et voilà! Hein. Ah bah si, bien sûr, évidemment! Il vient de Valence! Voilà. Non, mais c'est vrai en plus! Bah, c'est ça! Bon, vraiment, c'est espagnol! De quoi? Vraiment, c'est espagnol! Si, vamos! Ah, ça je sais dire aussi, effectivement! Bon, allez, on y va, Naël, on l'appelle maintenant le Anthony, là. C'est parti, on y va, bonne chance, Naël! Hein. Merci! T'inquiète, ça va bien se passer! Merde! Ouais, t'es trop gentil. Allô? Anthony? Oui? Oui, c'est moi. C'est Bichou. Bichou? C'est ta biche. C'est Naël. Ma biche? Qu'est-ce que tu me veux? Et voilà, c'était juste l'appel aujourd'hui pour essayer d'arranger les choses par rapport au coup de taser et le message que tu m'as envoyé. Je sais très bien que c'est fini, hein. On en a parlé, on a discuté. Mais chérie, je m'en pas fait exprès, mon amour. Oh, c'est mignon. J'ai pas fait exprès, mon amour. Parler, mais t'aimais, tu m'as dit, tu peux profiter sur mes fêtes et tout. Moi, j'ai profité, mon chéri. En plus, j'ai bien... Que tu m'appelles à 1h, en plus, tu sais très bien que je travaille tôt, demain à 5h. Mais chérie, je suis dans l'angoisse, je profite pas comme je profite avec toi, avec les autres. Eh, vrai j'ai besoin de revoir c'est plus fort que moi. J'ai besoin de te revoir, de te sentir près de moi, surtout. Et voilà, j'ai besoin de toi. Et si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour t'arranger les choses avec des amis. Ouais, mais bon, attends, c'est très bien qu'on a discuté, voilà. En plus, tu sais que c'est dommage, quoi, parce que moi, je quittais quand même, tu sais que t'as une bonne matraque, donc... Oui, je sais, enfin, oui, je sais, je t'ai toujours fait plaisir, je sais, mais... Par contre, on est sur... enfin, on nous écoute. Voilà, enfin, voilà, c'est j'aimerais te revoir pour, voilà, pour partager un bon moment avec toi, et après, si ça te plaît pas, on trouvera une solution. Mais non, mais le taser, je l'ai cassé. Il arrive à comprendre quelque chose, il est fort. Ça y est, il n'y en a plus. Des choses, tu vois, mais non. Allez, s'il te plaît, c'est bon, je ferai tout pour toi. Je souhaiterai de nouveaux articles, si tu veux. Je prendrai un nouveau truc pour te fouetter, t'inquiète pas. Non, autant le coup de pelle à la limite, mais le coup de taser, non. Comment on fait, Anthony? On peut rester comme ça? Mais pour l'instant, si, enfin. Après, si vraiment j'ai envie de prendre un coup de matraque, comme c'est bien de le faire, pourquoi pas se revoir? Je te brise, mais mon gars, je t'encule au passage. Toi aussi, je t'encule. Non, mais je vais te péter en levrette pour ce trou du cul. Tu qu'est-ce qu'il y a, toi? T'es jaloux? Où tu vas, là, espèce de pervers, là. T'es jaloux, tu veux venir faire le soir avec nous un peu? T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Mais viens, toi aussi. Va te faire enculer, gros bâtard. Tu viens avec ta maman aussi. Ta mère, elle le suce les bites de culé, quoi. Non, Anthony, pas de fille avec nous. Pas de fille, quand même. Brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Naël, qui c'est celui-là, là? C'est un ami, je vais expliquer notre situation. Il était pas content que tu m'aies laissé comme ça, tu m'as abandonné. Et c'est vrai qu'il est un peu énervé. Je vais te baiser pendant 11 heures. Mais lui qui se ramène, on lui mettra un coup de pelle dans le cul encore. Il est trop sexy en plus, franchement c'est un mec avec qui on pourra s'amuser à trois. Le bête sur ta gueule. Mais bienvenue. Pourquoi t'es insulte, comme ça? J'aime pas les insultes en plus. T'as une petite bite à mon avis. Ouais. Non, franchement, ça non, t'inquiète pas. Ah voilà, tu vois, t'as la preuve. Mais voilà quoi, nous on s'amuse bien, tu vois, Naël aussi, elle se matraque, donc si tu veux venir avec nous, t'es jaloux, c'est t'as mis le cul, faire un peu enculé, vas-y, viens. Va te faire enculer, sale pédé. Toi aussi, va te faire enculer, c'est de pute. Hein. Non, mais pas de violence verbale. C'est pas grave, ça. Essayons d'arranger les choses courtoisement et... Tu es un enculé. Qui fait des phrases. Non mais n'écoute pas celui qui est énervé. Tu m'appelles d'où? Je suis à la maison. T'es à la maison, mais c'est qui ce bâtard avec toi? Va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Eh toi, tu fais le malin là, tellement grosse qu'on dirait une table basse. Je te mets de la scie dans ton cul, moi. Viens me la mettre, en plus c'est que j'aime ça. Hein. Tu peux demander à Naël, il te le dira. Parce que un petit peu de pommade, voilà, tu me la mettras, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai acheté des cintres. Je peux te faire avec des cintres, si tu veux. Je vais t'automiser ce que t'éclates. D'accord, eh bien, viens, au lieu de parler, viens me le faire. Tu veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con? Ouais, viens, j'adore ça, en plus. Bon, on en est où, la musique espagnole? Ah, tu le feras pas, t'es une petite bite, hein. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Mais en même temps, je t'encule, là. Bon Naël, qu'est-ce que tu me veux en gros là? Je veux te revoir. Mais non, je te dis, pour l'instant non, en plus je suis déjà avec quelqu'un, je me suis remis avec quelqu'un. Oh merde. Oh, je suis déçu là. Mais pourquoi tu me fais ça? T'es con, Deux semaines, on est plus ensemble. Attendez, parce que vous parlez en même temps, là, on comprend rien. Mais le taser, je l'ai cassé, ça y est, je l'ai jeté, ça y est. Ah merde, t'aurais dû nous le donner, Naël. Et puis, Anthony, laisse-lui une chance, quoi. Mais oui, Anthony, laisse-lui une chance. Oui, ça arrive à tout le monde de taser son copain. Mais oui. Vous ne comprenez pas, je crois. Mais vous comprenez pas, je crois. Vous imaginez, une fois, j'avais une meuf, j'ai branché sur du 220, et ben voilà. Bah ça arrive. Non, mais moi, j'étais bien, quoi. J'étais à quatre pattes avec sa grosse matraque dans le cul, et l'autre, il m'a mis un coup de taser. Non, mais il est fatal. Mais attends, Anthony, attends. Anthony, attends, mais attends, après, je t'ai passé la biafine en plus. Et vous, tu vois, j'ai passé la biafine pour enlever les traces. Ouais, non, mais non. Le lendemain, tu m'as envoyé le message, tu m'as dit que c'était... Moi, je préfère prendre l'autre parce qu'il est un peu plus doux. Ah oui, voilà, ben oui, là malheureusement, Naël, Naël, oui. Bon oui. Naël, là je pense qu'il n'y a plus rien à faire, hein. il n'a plus envie. Hein. Ah, faudrait que tu t'en fous un autre. Bah ouais. Ouais, mais moi je l'aimais bien. Parce bah oui, mais t'as qu'à prendre Tof, il aime bien les trucs comme ça, un peu spé. Mais j'adore, moi tu pourras me taser tant que tu veux sur ma croix. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est vrai ma biche. Mais oui, mon chéri. Je vais t'envoyer mon adresse. Je le veux par contre. Ah, toi tu le veux, Anthony? Ouais, parce qu'il a une voix un peu sexy, là. J'aimerais bien qu'il me fiste un peu le derrière. Avec plaisir. Je n'ai jamais fisté de ma vie, ce sera un grand délire. T'es sérieux, Anthony, là? Tu me trompes, là? T'es sérieux? Tu me trompes? Mais oui. Oh là là, on est au top. Mais tu t'appelles, non? T'es sérieux, là? Bon. Les enfants, eh ben, la dame? C'est con, bah. Non, tout de suite, tu vois, ça se termine mal. On va vous passer Tof au standard, Naël et Anthony. Mais bonne oui. soirée tous les deux. D'accord. Je vais vous passer de la pommade. Bon. Voilà, salut à vous. On va vous passer Tof. Je suis sûr que ça va se passer très très bien, trop bien, magnifiquement bien. J'en suis persuadé. Il y a Benjamin qui dit mortel l'appel. Camille qui dit pété de rire. Oh putain, j'ai mal au ventre, j'en peux plus. Il y a Jean-Pascal aussi mort de rire avec vos extraits, surtout le rire de Polo. Non, mais pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il enchaîne comme ça. Il y avait quoi aussi mort de rire. Vous m'avez tué, je suis d'être sans Angélique. Il y a Nespa aussi qui dit mort de rire, il va jamais reconquérir comme ça. Ah bah regardez, il n'a pas réussi d'ailleurs. Et Ariel qui dit moi je sais dire, allons à la plage monsieur Renard. Vamos a la playa señor Zorro. Merci Ariel. Et on parle des différences d'âge encore dans quelques minutes là. On va se faire le mariage aussi avec notre ami Louis dans quelques minutes. Restez sur Fun Radio. Il est 1h03, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a le Caropé qui arrive juste après le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs? Attends, j'ai déjà mis Avicii, j'ai mis Britney Spears, j'ai mis Fatboy Slim. Qu'est-ce qu'il y a à suivre? Ah bah ouais, le son de David Guetta que je vous avais fait découvrir sur Fun Radio, la Shut Me Down. Et bah je vais le mettre maintenant, c'est parti là, hop là. David Guetta, Shut Me Down, il est 1h03 sur Fun Radio. Allez, prévenez vos potes, hein, il se passe enfin un truc à écouter le soir à la radio. On se marre tous ensemble jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est Mickaël No Limit, bonne nuit. I was five and he was six. Jusqu'au bout, le son de David Guetta sur Fun Radio, c'était Shut Me Down. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Tof est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et ouais, on est là sur Fun Radio, il est 1h07 là. J'avais 20 ans d'écart avec mon ex, elle était plus jeune que moi, c'est Stéphane du 7-6. Ma plus grande différence, c'était 17 ans avec Cyril. Il y a Lisa qui dit mes parents 18 ans d'écart quand même. Mystique qui dit moi 10 ans d'écart, il avait 28, j'en avais 18, ça fait pas beaucoup. Bah si, quand même, hein, malgré tout. Non, en fait, 38 et 28, c'est moins grave, mais 28 et 18, je trouve ça beaucoup dans le sens où, bah, normalement, t'as pas les mêmes centres d'intérêt à 28 ans et à 18 ans, tu vois. C'est là que la différence se fait surtout. Il y a Pursuit of Happiness sur le Twitter qui dit ma plus grande différence d'âge avec un mec, 5 ans d'écart, ça va. Et Guillaume qui dit énorme votre émission, continue comme ça. Comment on fait pour s'inscrire au karaopé? Eh ben, il fallait s'inscrire en appelant le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. Mais là, c'est complet, on va déjà jouer ce soir. Mais la semaine prochaine, sans problème. Megumi aussi qui dit la nuit idéale avec Mickaël, pour moi ce serait sur la chanson d'Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, j'en rêve. Ah oui, la musique de Armageddon. Armageddon, exactement. Ouais. Secret Key qui dit j'adore quand vous faites griller, il reste nerveux quand même. Et alors Pogoy aussi sur l'application Mickaël No Limit qui dit coup de taser sur le cul, il est pas sérieux le gars quand même. Essayez de leur faire. Ah oui, bah, c'était le message qui était passé avant qu'on l'appelle. Et Jules qui dit message de bienvenue, please, j'ai une musique s'il te plaît, c'est Carbon Airways Black Sun, c'est un frère et une sœur et il gère. Ah bon, attends, musique de bienvenue d'abord. Message de bienvenue d'abord. Où tu vas là, espèce de pervers là. Ta mère a le sucer les bites de culé, Cotier. Voilà. Et Megumi qui dit bonsoir mes cochons que j'aime. Il y a Yoann aussi, il faut pécho sur fuck l'amour de Fafabi. Voilà. Tu as la chanson, Toff? Dans 16 secondes. Ah, 16 secondes, d'accord, ok, très bien. Donc la chanson donc qui est Carbon Airways Black Sun. Voilà, un frère et une sœur qui gèrent. On verra. Hein. Bon, ouais, ils ont l'air pas mal. Ils ont l'air pas mal. La sœur a l'air pas mal en tout cas. Attends, on va la mettre directement là. Ah oui, c'est la pub. Encore la pub. Très bien, c'est bon là? Ouais, c'est bon là. Parfait. Ah voilà. Ouais, jusque là, on a du mal à imaginer, mais. Ah, elle est bonne, hein. Franchement, ouais. On va tenter un truc. Ah, pour l'instant, la musique est pas terrible. Si, moi j'aime bien. Ouais, c'est de la dubstep quoi. Hey, c'est du dance floor hein. Ouais, mais il y avait Niro, on parlait de Niro tout à l'heure là. Putain, c'était quoi le morceau de Niro là qui était au top? Attends, je vais essayer de le retrouver. Je suis pas sûr la machine ici. Ah si, à mon avis, on va l'avoir. Et donc ça c'est le truc les deux frères et sœurs apparemment. Ouais. Merde, on l'a pas. Carbon Airways, d'accord, ok. Bon, attends, très bien. Tu le trouves Niro? Ouais, je vais essayer de le retrouver. On va le mettre ce soir, le Niro, il est juste énormissime là. Vous allez voir, ça. Alors c'est pas le morceau sur lequel vous allez pouvoir baiser, hein, mais. Enfin si, ça l'a dit. Mais il est bien, voilà, il est vraiment bien. Bon, allez, tous les messages que vous envoyez, on les lit évidemment. Enfin tous, en tout cas, on fait un maximum. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis bah bien entendu aussi avec le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Allez, hop, on se finit avec Louis dans quelques minutes avec le mariage, le karaoke. D'abord, hein, Lucie, Laura, Cédric et Jérémy qui sont là pour le karaopé. Ah ben il y en a même 5, hein, Kevin. Bah, comment ça fait qu'il y en a 5? Non, c'est Jérémy, c'est pour il réagit pour sur la chanson. Pardon Jérémy, bouge pas, on va te reprendre. Donc Kevin qui est avec nous dans Tibes. Eh oui, je suis là, salut l'équipe. Ça va bien Kevin? Ça va et toi? Très très bien Kevin. Bon, on va se faire le karaopé, il y a aussi Cédric. Cédric qui va couper ouais, la radio. Bonjour, l'équipe. Enlever le kit main libre ou le haut-parleur Cédric. Oh là là, Cédric. Ouais, Cédric, tu m'entends? Allô. Voilà, parfait. Cédric de Valenciennes, dans le Nord. Oui, c'est ça, bonsoir l'équipe. Salut Cédric, on va faire le karaopé, on va saluer les deux filles également. Laura et Lucille, salut les filles. Salut toi. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien, soyez bienvenues mesdemoiselles. On va jouer ensemble au karaopé. Le principe du karaopé, évidemment, très très simple. Un paix, une musique, une réponse. Exactement. Bon. C'est beau ce que j'ai fait, non? C'était magnifique, Polo. Ouais. Non, ouais. Je m'en vais. Ouais, bah c'est mieux, ouais. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal, effectivement. Bon, alors attention, on va y aller. On va faire deux équipes, l'équipe des filles, l'équipe des garçons, d'accord? Ok, ça marche. Le premier qui a la bonne réponse doit impérativement donner d'abord son prénom, ok? Ok. Donc si on passe, j'en sais rien moi, un morceau de Jason Derulo et que vous dites Jason Derulo et que vous n'avez pas donné votre prénom, si l'autre donne son prénom, c'est l'autre équipe qui gagne, d'accord? Ok. D'accord. Ok, d'accord. Donc, attention, je serai intransigeant. Putain, un mot compte double ça. Hein. Ah, pour le coup, on est pas mal quand même. Hein. Bon. T'es sérieux? Ah bah oui, évidemment. Allez. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Allez, attention, on y va, c'est parti. Facile. Pas tellement. Mais si, mais si, mais si, attendez, je vous le remets. Cédric. C'est David Guetta. Ah non, c'est pas David Guetta, non, c'est pas ça. C'est quelque chose de qui est pas froid. Ah ouais, merci. C'est j'ai trouvé. Ouais, c'est une musique pas froide. C'est un style de musique électronique mais pas froide. C'est l'indice. Je vois ce que c'est. Laura. Non. Allez, c'est pas froid. Allez, c'est un style de musique pas froide. C'est le nom du groupe. Hot. Mais non, pas Chotek. Froid alors. Chotek. Ouais. Et merde. Ah oui. J'avais pas le nom du groupe. Ah bah ouais, pourtant ça ressemblait, attends. Voilà, bon, c'est pas vraiment dans le rythme pour le coup, mais ça ressemblait quand même. Bon, allez, c'est pas mal, on va y arriver, vous allez voir, vous allez être au top. Deuxième extrait, pour l'instant c'est les filles qui gagnent, vous êtes prêts pour le deuxième extrait? Allez, c'est parti, on y va, let's go. Ah, facile. Bah oui, comme l'autre. C'est quoi ça? Alors allez, allez, allez, allez. Bientôt, allez. Il y a une compil. C'est, hein. C'est un duo et le titre ressemble à Toff. Ah, si ça ressemble à Toff, ça va être chaud pour trouver. Ah bah ouais, mais je veux le nom du groupe, le nom des deux chanteurs en l'occurrence, enfin chanteur et chanteuse, ou alors le nom du, le titre de la chanson. Donc c'est un duo, un garçon et une fille, et le titre de la chanson, ça ressemble à Toff. Je vous le remets. Ah oui. Alors. Aucune idée. Ah moi j'ai trouvé. Aucune idée toujours? Non. Allez. Une meuf, c'est deux Américains. Ouais, bah, Lucille. On tente Keisha et Sean Paul. Ah bah non. Kevin. Aucune idée. C'est un mec, un rappeur blanc. Je peux donner un indice? Eminem. Ah ouais. Lucille, Eminem et Rihanna. Eh ouais, ah, je vous l'avais dit, hein, Eminem et Rihanna, duo, et le titre ressemble à Toff de Monster. Ah, t'avais pas compris, toi. Voilà. Voilà, je vous le remets. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, bah, attention, oui. Pour l'instant, deux points pour les filles. On y va, troisième extrait. Ah, c'est, je sais. C'est un titre qui passe tout le temps sur Fun actuellement là. Et bien. Pas d'idée? Kevin Avicii, non. Kevin quoi? Avicii, non. Avicii, non. Un autre DJ. Et il a un prénom. Et son pseudo, si tu veux, c'est un prénom de petit. Les Américains, ils aiment bien donner leur prénom avec un autre nom derrière pour leurs enfants. Ah, Junior quelque chose. Junior, merde. Mais dis pas de réponse comme ça, de ton prénom. Kevin. Lucille. Ouais, Lucille. Junior Caldera. Non. Non. Ah, c'est l'autre. Mais il est super bien fait en plus. Ah, il est bien fait, ouais. Ça commence par un T. Fredonner. Laura. Tony Junior. Ouais. Voilà, Tony Junior donc avec Twerk Anthem. Pour l'instant les filles maîtrisent. Hein. Deuxième, avant-dernier extrait, attention on y va. Laura Tsunami, ouais. Elles sont bonnes dans le père. Ah bah ouais. Et attention, dernier extrait, vous êtes prêts? Allez, hein. Allez, vas-y. Allez, attention, c'est parti. Ouais, et ça c'est un vieux morceau, c'est un peu plus chaud ça. C'est pas Kevin Rihanna, non? Ah non, c'est pas Rihanna Kevin, non. Elle est revenue là avec un nouveau single il y a pas longtemps. Et son premier titre, elle était habillée en écolière dans une école. Kevin, Britney Spears. Britney Spears, oui, bravo, ouais, il a sauvé l'honneur. Ouais, tu vois, c'est quand on entend la version originale, après tu dis ah mais oui, ah mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Bon, Kevin. Ouais. Bon, tu n'as pas été mauvais, tu as été très mauvais. Ouais, je sais, ouais. Qu'une seule bonne réponse sur 4, c'est pas terrible, hein. Et ouais, elles sont trop fortes en face. Ah ouais, peut mieux faire, peut mieux faire. Bon, bah bravo les filles, hein, Lucille et Laura, là. Hein. Merci. Vous savez ce que je vous offre? Ah bah non, on veut savoir. Toff. Heureuse? Ah bah oui. Alors, Lucille, combien mesures-tu? Oh là là, quelle horreur, mais je pensais que ça allait, c'était pour rigoler, moi. Alors, combien mesures-tu, Lucille? 1m57. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 80, j'ai eu un doute là, 85 c'est. D'accord, la taille d'un pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui, Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Et Laura, combien mesures-tu? 1m75. Combien pèses-tu, Laura? 71. D'accord. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Oh. Et B comme Denise? Non, B comme Bit. Bah, comme Denise ou comme Bit? Comme Bit. Ah, comme Denise. Oh. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 40. On fait un plan 3 combats. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Ah bah oui, non mais là pour le coup effectivement on confirme la chose. Bah, j'arrive à rien en autolib. Ouais, bon, en autolib, vous inquiétez pas, il arrivera pas avant 3-4 jours. Bon, je vous fais des gros bisous les filles, je vous renvoie chez Sandro Standard, je vous embrasse. Salut. Ciao à vous les filles, on remet le couvert la semaine prochaine avec le karaopé. Gros dossier là, il y aura Jules et Carla pour parler des différences d'âge, Jérémy qui voulait parler des chansons, et puis on va récupérer Louis là, ça y est, le mariage va se faire dans quelques minutes sur Fun Radio, juste après le son de Dust et Nicki Minaj. Je vous en avais parlé tout à l'heure là, 1h20 du mat, on est au cœur de la nuit sans pub. On écoute maintenant Damn sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Bienvenue au nouveau et merci aux anciens. Le son de Dust et Nicki Minaj, c'était Damn sur Fun Radio. Marine qui a envoyé un message aussi sur le Twitter qui dit Mickaël, bon je vais me coucher mais je vous écoute jusqu'au bout. Message de bienvenue, bah j'espère Marine que tu vas écouter jusqu'au bout, dis donc. Petit enculé. Bah alors, Secret qui dit mort de rire, j'en peux plus, je veux un top 20 des chansons du karaopé. Et Guillaume qui dit ah dans une autre dimension, Polo aimerait les cunis. Oui c'est vrai, ouais, bah enfin bon on n'en est pas là. Julien qui dit pété de rire, c'est un gros ouf ce mec là, il part du plus petit objet au plus gros, c'est un ouf, c'est un sado. Ah oui c'était par rapport à Pas Souf... Non, Soufiane, c'était l'autre, je sais plus. Naël et Anthony. Ouais, exactement, Naël et Anthony qui aimaient des trucs sexuels un petit peu... Bizarre. Ouais, on va dire ça comme ça, effectivement. Un petit peu violent, on va dire ça comme ça. Bon, je vous ai trouvé le son de Niro, je vais vous le mettre dans quelques instants. C'est Promises, il est juste énormissime, vous allez voir. C'est la deux têtes, comment on aime bien ça. Vous allez voir, c'était énorme. Bon, on le fait très très mal avec Polo, faut bien dire les choses. Mais je vous le mettrai dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Bon, appelez-nous encore, on est là dans, encore pendant une grosse demi-heure. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Appelez-nous d'où que vous soyez, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On va parler des différences d'âge également. Et puis on va marier Louis là, Louis. Ouais. Ah hein? Louis qui est avec nous, magnifique. Louis qui a donc quel âge as-tu encore, Louis? 23 ans. Très bien, Louis qui a 23 ans et qui aimerait demander sa copine en mariage. Comment elle s'appelle, elle? Lydia. Et elle a quel âge? 23 ans. 23 ans aussi. Et donc ils vivent heureux puisqu'ils ont un petit garçon qui a 3 ans, c'est ça? Une petite fille. Ah oui, merde, excuse-moi. Et quel âge elle a encore? 3 ans? Oui, non, 4 ans. Ah, 4? Ah, d'accord, ok. T'oublies l'âge de ta fille, toi. Merde. Bon, et donc du coup, mariage. Alors, je t'avais dit qu'il fallait, avant de lui demander sa main, il faut d'abord aller demander sa main à son père. Ce qui est normal. C'est normal. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors, on va faire un jeu. Donc, on va imaginer que Polo est le papa. Ouais. Je suis le père. Ah, bah oui. Et que moi, je suis la copine. Comment elle s'appelle encore? Elisa, oui, c'est ça. Donc moi, je suis la copine, d'accord. Et toi, c'est le prêtre. Oh putain, on a peut-être pas mis le prêtre au bon endroit, mais enfin bon, on va s'arranger. Est-ce que le prêtre est avec nous? Dans la merde. Bonsoir, monsieur. Oh, putain, l'église est bien vide, hein. Oui. Ah, il n'y a personne pour célébrer ce mariage. Où sont tes ouailles, prêtre? Mais elles n'ont pas voulu assister. Et papa, il est mort, il est où? Eh, Louis. Bon, alors... Oui. Attends, on va régler le prêtre là, parce que le prêtre il est quand même très très loin dans son église, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est encore là. Donc on va faire l'appel, comme si on appelait ton beau-père, d'accord? Ouais. Bon, c'est parti. Voilà, donc là on est chez le beau-père, ça sonne. Merde. Donc là, on a les deux côtés en même temps. Hein. Mm. Ouais, allô? Bonjour. J'ai pas une heure, c'est pas possible de me réveiller à 1h25, là. Oui, mais j'ai quelque chose... C'est qui? C'est Louis. C'est l'autre connard de Toff, là, qui m'emmerde depuis deux jours, là. Non, c'est Louis, le copain de ta fille. Ah. C'est Louis, d'accord, Louis. Qu'est-ce que tu veux, Louis? Je savais pas qu'elle avait un copain. C'est qui, non. Papa? Et j'ai rien. Et c'est un trou du cul qui fait c'est des bêtises. C'est qui appelle à une heure 20? Qu'est-ce que tu veux, Louis? Quand je voulais demander ta fille, un petit peu. Déjà, compliqué. Tu me tutoies pas, on n'a pas gardé les cochons ensemble, Louis. C'est qui? On n'a pas gardé les cochons, on a gardé les moutons. Oh, tu vas pas faire le malin pour dire. Toi, tu fermes ta gueule, t'as dit, tu rentres là-bas, tu rentres dans ta chambre. Non, bon, Louis. Je peux demander ta fille. Oh. Tu me tutoies pas. Eh, Louis, c'est moi, là, c'est Polo. Tu tutoies pas le père, tu vous vois, respecte-le. On y retourne. Bon, qu'est-ce que tu veux, Louis, là? Je voudrais demander ta fille en mariage. Mais pourquoi faire? Eh, il t'a de nouveau tutoyé. Ah, pour me marier avec elle. Mais pourquoi, pourquoi tu veux te marier avec elle, Louis? Je comprends pas. Bah, pour célébrer notre amour qui est grand. Oh, mais c'est beau, mais j'en ai rien à faire, Louis. Tu me déranges, là. Demain, je vais à l'usine, moi. Oui, mais c'est oui ou c'est non? Quoi, c'est oui ou c'est non? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? T'as 12 ans. Je t'emmerde. Voilà. Louis, qu'est-ce que tu fais comme métier? Mais tu le sais? Bah non, je le sais pas. Dis-le-moi. Je travaille chez Electrodépôt. Ah, mais c'est pas sérieux. Moi, je veux pas que ma fille, elle épouse un bouffon qui travaille... Mais attends, pause. Eh, Louis. Oui. T'avais pas 32 ans la semaine dernière? Bah non. Bah si, t'avais 32 là. Il a inversé les chiffres. T'as inversé les chiffres, là t'avais 32 ans, tu travaillais chez Electrodépôt la semaine dernière. Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Tu sais pas c'est ton âge pas, ah, ou alors on avait un autre qui avait 32 ans, il travaillait aussi chez Electrodépôt. Oh, vous avez un peu fumé, vous, hein. Ah bah non, oui. non, attends, il est sérieux lui. Non. C'est vrai, c'est toi. Attends, non mais attends, donc c'est pas toi Electrodépôt alors? Mais non, mais moi j'ai ça au pif. Non mais je sais pas. C'est Big Mat. Non mais je sais pas. Oh, attends, le prêtre est arrivé là. Bonsoir. C'est un peu con, hein. Bonsoir monsieur. Ah. Bonsoir mon petit. Tu es venu pour célébrer ton union? Oui. Bien, as-tu apporté les alliances? Attends, je crois que je les ai. Mais arrête de tutoyer tout le monde, c'est ça, attends, mais qu'est-ce que tu crois, garderie, toi? Appelez-moi mon père. Mon père, je crois. Non, tu ne crois pas. Soit tu as, soit tu as pas. On va pas y passer la journée à ton mariage pourri. Alors, as-tu apporté les alliances? Oui, mon père. Voilà. Bien. Bon. Alors. Comment t'appelles-tu, jeune Gourganda? Louis. Et comment s'appelle ta bien-aimée? Lisa. Comment? Lisa. Lisa. Bien. Polo fait péter la cloche. Hein. Il a raison. Très. Que se passe-t-il? Le mariage ultra moderne. Que se passe-t-il avec un DJ qui fait la cérémonie? Oh oh oh! Bon, bouffon et bouffonne. Oui! Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Oui! Malheureusement, nous allons devoir célébrer l'union de Louis. Quand tu penses, il avait 10 ans, c'était comme si c'était hier. Oh, c'est mignon. De Louis et Josiane. Oui. Alors. Non, c'est Lisa. On s'en fout. C'est Lisa, mon père. On s'en fout. De toute façon, c'est quand même pour divorcer. Alors. Non. Louis Bouffon, ici présent. Acceptes-tu de prendre cette pauvre conne de Lisa que... Donc un peu de respect, mon père, hein. Pardon. Alors, cette salope de Lisa qui allait se faire troncher par la moitié du village pour épouse, de la chérir dans le bonheur comme dans... Je crois qu'il a bu un peu le prêtre. Ouais, il a l'air pété, complètement pété, là. De la chérir dans le bonheur comme dans le malheur que de toute façon, bon, on s'en fout, elle divorcera quand même. Alors, est-ce que tu es d'accord? Oui, par contre, vous avez... Non, oui, je le veux. Oh là là oui, là là. Je le veux. Oh non, de tu. Bon. Elisa, ici présente. Oui. Est-ce que tu veux bien t'acoquiner avec ce bouffon qui sert à rien de Louis? Ta gueule. Réfléchis bien. Tu réfléchis. Réfléchis mieux. Tu peux encore partir en courant et dire non. Non. Tu as raison. Je vous déclare donc pas unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez ranger votre bordel et fermer l'église. Allez, casse-toi, Louis. Hé, hey, Louis. Ouais. T'es né en quelle année encore? Bah, j'ai 23 ans. Tu fais compte, c'est pas idiot. Allez, casse-toi, Louis. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, passons à autre chose maintenant. Ah là là. Et je me disais bien qu'il avait rajeuni. C'est ouais. Bizarre. Mais il avait un peu rajeuni là, c'est quand même. Peut-être comme Benjamin Button. Bah peut-être. Il y a Valou qui dit Louis, la répétition du mariage sont surréalistes. Je pleure de rire, vous gérez l'équipe. Oh écoute, là c'était un beau mariage hein. Magnifique. Est-ce qu'on peut fermer l'église? Il est toujours là lui, con. Hop là, voilà, c'est fait. C'est bien parce que je peux le mettre comme tout le temps maintenant. Voilà. Ah merde, c'est le mauvais bouton. Bah non, c'est bon. Bah je ne comprends pas. Ah voilà. Je suis revenu. Bah très bien. Mais je vous avais dit de fermer la porte après avoir rangé votre bordel. Bah oui, mais enfin on peut pas tout faire. D'abord un petit coup de cloche encore. Parlez correctement mon père là. Encore un petit coup de cloche. Mais attends, je vais tirer. Bah attends. Alors, tu attends, tires. Attends, vas-y. Au revoir. Pardon, au revoir. L'église avec un pont-levis. C'est rire. Bon, allez, c'est tout terminé. Merci à mon père. Au revoir, mon père. Je vous en prie. Bonsoir. Voilà. Il y a Clément qui dit putain, je suis mort de rire, mon père. Bah, écoutez, vous avez vu, il y a des gens qui sont fans de vous. Je vous remercie. Très bien. Revenez quand vous voulez célébrer des mariages aussi nuls que celui-là. Ah bah, très bien. Allez, hop, merci, mon père. Au revoir. Il y a Mademoiselle Thor qui dit c'est quel jour l'inauguration inauguration de quoi? J'ai perdu le fil. De Star Wars, à mon avis. Ah oui, pardon, je suis con. C'est jeudi prochain. Entre 21h et 23h, on fera l'émission en direct, donc spécial Star Wars. Et puis, on sera là de 23h à 2h. Juste dans une semaine et un jour, voilà, tout simplement, jeudi prochain. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. En plus, on a des places à vous filer, donc appelez-nous maintenant 01 42 48 5000. On va parler des différences d'âge dans quelques minutes pour parler des différences d'âge. Ouh, il y a du monde. Franck est avec nous, t'es là, Franck? Ouais, je suis là. Comment ça va? Ouais, ça va, vous? Bon, bonjour, oui, très bien, très bien. Il y a Jennifer aussi avec nous, salut Jenny. Salut. Comment ça va? Nickel, parfait. Bon, très bien. Marie également qui est là, ça va Marie? Oui, oh, moi, je suis là, mon. Parfait, Marie. Il y a Philippe également. Salut, Philippe. Salut, Mickaël. Salut, équipe. Salut, salut, ça Philippe. Reste avec nous. Très bien. Il y a Julie également dans l'Oise, là, de Noyon. Bah, très bien. Elle sera là aussi dimanche. Salut, Julie. Salut, Mickaël. Ça va? Ça va super, et toi? Très, très bien. Il y a Carla également. Vous êtes là? Oui, Carla. Ça va. Très bien. Ah bah oui, il y a du monde. Et bien, Vanessa également qui appelle de Suisse. Salut Vanessa. Hello. Comment ça va? Salut. Ça va bien, merci. T'es en forme en Suisse? T'es où en Suisse, dis-moi? Chevalier de Lac. T'es tout près du lac? Oui. D'accord, ok. Bah on va en parler dans un instant. Et t'appelles avec ton attel? Très bien. Ah, ouais, ouais. Peu d'argent qui transpire de la Suisse, là. Un attel, pour ceux qui savent pas, c'est un téléphone portable. Oui, un attel, c'est un téléphone portable, effectivement. Ah, ouais, merci, Toff. Bon, Vanessa, reste avec nous. Bah, tout le monde, vous allez pas bouger là. On va parler des différences d'âge. On va encore faire des appels avec Toff. Le temps d'écouter. Ah, bah oui, oulala, j'avais presque lancé autre chose, mais pas du tout. On va s'écouter le son de Niro maintenant. Écoutez, je vous en ai parlé. C'était juste exceptionnel. C'est deux meufs qui sont méga bolasses. Et ça s'appelle Promises. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, le son, il a un an et demi, hein, plus ou moins. Vous nous dites ce que vous en pensez. Hashtag et Mickaël, c'est un peu de dubstep. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, on écoute ça maintenant. Il est 1h35. Allez, bienvenue sur Fun Radio. C'est Mickaël, No Limit. Voilà le son de Niro à l'instant sur Fun Radio avec Promises. Je vous l'avais promis, un petit peu de dubstep. Voilà, le morceau, il a un an et demi, mais je trouvais cool. Et comme on parlait de Niro, Nero, tout le bordel tout à l'heure, là. Bah voilà, je vous ai décidé de le passer. Il y a Despa qui dit vraiment très sympa le son, énorme le son, j'adore, c'est Seb. Bah je vous ai demandé vos avis. Tiens, Magda qui dit il est bon le son, tellement bon ce son, il bouge bien comme il faut, c'est Secret Key. GTR aussi sur le Twitter qui dit vive le dubstep, propre le son. Et Elliot qui dit je pensais pas l'entendre à la radio un jour ce son. Ah bah pourtant. Fabienne également qui dit perso j'aime pas, mais c'est ton droit Fabienne. Snorky 55 qui dit à 1h35 ce son ça réveille, mais il est très très bon. Guillaume qui dit ça c'est de la vraie musique, comment ne pas avoir envie de faire la fête là-dessus et même de bouger dans l'absolu. Il y a Lisa qui dit le curé a l'air sympa, trop énorme, bravo. De rien, écoute, on embrassera le curé la prochaine fois qu'il passe. C'est pas le curé, c'est mon père. Et Peter aussi qui dit mort de rire dans le camion, il est fou ce curé. Un gros message bien crado de bienvenue s'il te plaît. Bien sûr Peter, avec plaisir. Attends, laisse-moi te caler ça. Un petit message bien crado, tu voulais. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai toujours celui-là qui est pas mal, hein. Alors moi, je viens, je vous coupe en deux, je te nique ta mère, je te nique ton père, je je nique toute ta famille, moi. Voilà, qui était quand même plutôt effectivement sympa à la limite. Hein. Bon, on fera aussi dans un quart d'heure Polo contre le reste du monde. Ouais, en mode Polo fraîcheur. Against the rest of the world, motherfucker. Ouais. Et si vous voulez participer, bah, n'hésitez pas, hein, là aussi, c'est un animateur qui est à l'écoute de vos problèmes. C'est vrai. Qui est à votre écoute, vous pouvez parler avec lui de paix, d'amour et d'amitié. C'est ça, c'est un peu tout ça, ouais, voilà. C'est ça. Polo contre le reste du monde, c'est vers 1h55 tous les soirs, et donc vous appelez le 01 42 48 5000 pour parler avec nous, et avec Polo en l'occurrence, ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. Petit enculé. Voilà, oui. C'est un petit peu comme ça qu'on peut... Me décrire. Décrire Polo, effectivement. On fait les derniers appels de la journée, mais on va dire soirée plutôt, hein, n'est-ce pas? Oui, avec le micro, c'est mieux, oui. Très bien. Allez, je rappelle que nous sommes... en train de copier un numéro pour appeler. Ah, très bien. Donc, on était... Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, on est tombé sur une info tout à l'heure qui disait que les filles... Non, une info d'Oxford, attention. Oui. Qui disait que les filles avec un gros cul étaient plus intelligentes que celles avec un petit. Voilà. Moi, j'ai envie de croire cette information. Mais oui, je suis totalement conscient de ça et je comprends parfaitement. Donc, depuis, on a demandé depuis 23h des numéros des auditeurs, auditrices, de nous envoyer des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci et plutôt dans un style un peu nerveux, quoi, on va dire. Et donc, vous avez été nombreux, comme d'habitude, à envoyer des mails sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, et on appelle directement quelqu'un maintenant. Allez, c'est parti pour lui demander si sa femme ou si elle-même éventuellement a un gros cul ou pas. Et donc, du coup, si il ou elle est intelligente. C'est parti. Allez, je m'en vais. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait un gros cul, monsieur. Oui, un très gros cul, connard. Mais pourquoi connard, monsieur ? Oh, bah alors ? On n'a même pas dû expliquer pourquoi ? Bah oui, c'est ça, faut rappeler. Bah, je te confirme. Allez, hop, on y retourne. Il avait l'air dans le camion, dans la voiture, enfin, en tout cas, il était pas chez lui, a priori. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Oui, allô ? Oui, non, je disais, on a été coupé, monsieur. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ben non, parce qu'en fait, comme votre femme a un gros cul, est-ce qu'elle est plus intelligente que la moyenne ? Je sais pas, demande à ta mère, voir comment on fait. Ben, je vois pas le rapport avec ma mère, monsieur. Ben, moi, oui. Ben, expliquez-moi, alors. Ben, est-ce que espèce de Yankee, tu crois qu'on a que ça à foutre ou quoi ? Ben, oui, monsieur. Ouais, Et ta bite, elle est comment, connard ? Mais ça a aucun rapport, madame. Ben, c'est pour faire ramener dans son cul. Mais non, parce que en fait, c'est pour savoir si vous avez un gros cul. Ah, ouais, elle a un gros cul, laisse tomber. D'accord. 32 tonnes. Ah, oui. Parce qu'il paraît que les femmes qui ont un gros cul sont plus intelligentes que la moyenne, et du coup, je voulais vérifier. Ah, ben, vraiment pas. Ah, ouais, ça marche pour les mecs. Ah, oui, donc en fait. Les mecs, ils ont des grosses bites. Attends, ils sont intelligents ou pas ? Ouais, Connor, t'es pas intelligent, Connor. Tu dois avoir une petite bite, hein, parce que les cross-bits, ils sont intelligents. Ah oui, d'accord. Comme ta mère aussi, ouais. D'accord. Mais je vois pas le rapport avec ma mère, mais... Mais ta mère, elle a un gros cul. Mais nique ta mère, espèce de sale fille de pute. Voilà, tu vois le rapport ou pas ? Tu le vois là, bien précis ou pas ? Non, pas du tout, j'ai pas compris. Ah, inconnu. Attends, je te répète en français. Alors, nique, tu vois, N-I. Tu vois ou pas jusque-là ? C'est bon ? Okay. Ouais, jusque-là, j'ai compris. Ça. Tu vois, ouais. Ta mère, c'est celle qui t'a mise au monde. Celle que le jour où elle t'a mis au monde. Pas elle aurait dû t'avaler, fils de pute. C'est tout. Ah, ta mère, pour t'avoir fait, c'est vraiment la reine des putes. Allez, bisous, non. C'est quoi ce trou ? Ça fait des. C'est tout, va. Elle aurait dû t'avaler. Wow. Fils de pute. Oui, ah bah bien sûr, évidemment, alors on est plus dans le détail maintenant. Hein. Bon, et ben voilà, on fera d'autres appels demain, il est 1h43 sur Fun Radio. Et Toff qui arrêtait pas de me faire des signes, là, apparemment c'est vrai que c'est l'anniversaire de sa meuf, là, Let's Be Free. Ah, ça. Bah ouais. Alors, musique. Voilà. Voilà. Voilà, bah tu vois. Voilà. Ah, mais oui, elle avait mérité. Il me faisait des signes là, je lui dis qu'il oui. me veut, il fait atterrir un avion et puis après mon franc est tombé, voilà, j'ai compris. Bon, il y a Sony qui dit vous êtes les meilleurs, je vous écoute toute la nuit au boulot, je me tape des barres de rire avec vous. Gros bisous l'équipe, merci Sony. Et Mélanie qui dit mon mec vient de me dire qu'il allait essayer sur la musique de Tarkan, merci pour les idées. Hein. Ah merde, c'était alors ça. On avait demandé sur quelle musique vous faisiez l'amour. Il y a Jojo aussi, mort de rire, il s'est pas éplé, nique ta mère. Non, c'était bon. Et Claire qui dit la chanson du film La Boum pour emballer. Oh bah ouais, mais dans les années 80, alors il Snorky 55 qui dit mort de rire la pub, Toff le père, vous voulez me faire mourir ou quoi la bande de tarés, vous êtes excellent. Et François qui dit salut, je vous écoute depuis lundi. J'adore. Un petit message de bienvenue avec grand plaisir. Pitoyable mais pas digne de pitié. Voilà. Bon allez, continuez avec vos messages en direct sur le Twitter de l'émission. Hashtag Mickaël, continuez avec tous les messages. Et puis continuez aussi sur le Facebook, tapez Mickaël officiel. On va parler des différences d'âge. On va également faire le polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et nous allons d'abord prendre Jennifer de Montpellier. Bonsoir la Montpellieraine. Bonsoir Coé. Non, ah non. Ah non. Ah non, non, Coé c'est le côté. Mais on l'embrasse, cela dit Coé. Bon, je préfère que tu me confondes avec Coé qu'avec un autre. Mais enfin, soit. Bon, Jennifer de Montpellier, comment vas-tu? Ça va bien. Bon, ça très bien. Alors, dis-moi Jennifer, la différence d'âge, toi, tu as fait quel âge? Quel grand écart as-tu fait? Bah écoute, il a 30 ans de plus que moi. Oh merde, putain, quand même. Mais il est presque mort. Donc tu sors avec ton père, mais quoi. Non, il est pas mort. Parce que dans l'absolu, c'est ça. Hein, Non, franchement, il est bien conservé, donc ça va. Ouais, mais aujourd'hui, mais il est allé à 57 ans, t'en as 27. Donc aujourd'hui, tu dis, oh, c'est cool, il a les cheveux blancs et tout, c'est la classe. Mais dans 10 ans, comment ça va se passer quand il sera en chaise roulante, ce pauvre? Bah, je changerai, hein. Ah oui, non, mais tu pars comme ça, alors d'accord. Non, mais à ce moment-là, d'accord, là je comprends bien, il n'y a pas de souci. Bon, après, bien sûr, je suis attachée, mais bon, je pense qu'avec le temps, si je le vois se dégrader, peut-être que. Se dégrader. On dirait qu'elle parle d'une plante ou tu sais, d'un vieil animal. Bon, on va le piquer, hein, maman, il va plus bien là. Tu sais ce qui sera drôle, c'est quand tu vas quand il sera dégradé, tu vas le dégager, c'est un jeune qui va faire pareil avec toi. Ah ouais, parce que et du coup, c'est un jeune qui va... sera usé, bah, il va prendre une autre. Il va prendre une MILF. Ouais. J'aime pas les plus jeunes que moi. Ouais. Pourquoi t'aimes pas? Je sais pas, j'aime pas. Je préfère les plus mûrs, quoi. D'accord. Combien mesures-tu, Jennifer? 1m75. Combien pèses-tu? 71 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 40. Ouais. Bonne. Effectivement, si tu cherches un plus vieux, je suis disponible. Mais je suis plus jeune que ton vieux. Donc bah, il a presque 40, Toff. Hein. Ah, c'est pas mal, 40. Ah, tu vois, c'est pas mal. Hein. Dans les critères. Ah, bah, voilà. Ouais, et il a les cheveux tout blancs, là. Voilà, en plus. Ah, donc, tu vois, ça te dépaysera pas. Ah, t'adores les cheveux blancs? Ouais. Ah bon, bah, écoute, très bien. Et je commence à avoir les poils autour de la bite blanc, donc tu vas être... Non. Non, par contre, je préfère raser, quoi. D'accord. Bah il peut raser, ouais, ça, mais c'est je te laisse une petite touffe pour que tu vois qu'ils sont un peu blancs, quoi. Ah, génial. Classe. Ouais, bon, attends. Déçu, il serait pas déçu de me voir. Attends, il y a Franck aussi de Toulouse, là. Franck, 22 ans. Salut, Franck. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, on voit beau gosse. Ah ouais, ouais, lui il arrive. Ouais, salut, ça va ou quoi? Tranquille. Ouais. Bon, alors, c'est quoi les différences d'âge, toi? T'as fait quoi comme grand écart? 22 ans. Ah ouais, quand même. Donc t'es sorti avec une meuf qui était pas née en fait, hein, puisque t'as 22 ans. Ah, j'avais 40 ans. Elle avait 40 ans, j'en avais 18, je venais de passer le permis, je sortais un peu, j'avais rencontré et je pensais vraiment pas que ça allait faire que j'allais coucher avec et tout, mais. Mais c'est un coup d'un soir ou c'est une vraie histoire? Non, ça a duré 3 mois et le jour où elle m'a dit qu'elle voulait plus, je suis parti en courant. Mais comment ça, elle voulait plus? Genre, elle voulait que vous installiez ensemble? Voilà. Oh ouais, putain, angoisse. Bon, elle avait deux gosses. Oh là là! Un qui était tout jeune et une qui avait 14 ans ou 13 ans à l'époque. Enfin, il y a 4 ans, quoi. Et moi, je sais pas, je dis non, c'est mort, quoi. Mais tu m'étonnes, les 18 ans, l'autre, il a les gosses de 14. Ouais, salut voilà, papa. Ouais, salut, ça va? Ouais, bon, allez, on se retrouve au lycée, hein. Ouais, c'est ça, rendez-vous au bahut. Ouais. Je lui ai fait le coup au gamin et elle avait pas trop aimé. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Appelle-moi papa et non, ça oh là pas là. Mais l'angoisse, mais qu'est-ce qu'elle avait, un problème, la meuf? Parce que 42, non, 18. Non, elle venait de se séparer. Ouais, elle avait besoin d'un petit décrassage, quoi. Elle avait eu avant moi, mais bon, moi c'était surtout 18 ans, première fois que je suis chez elle. Elle se frotte à moi, elle se colle et tout, j'ai fait hop hop hop, attends, tu pourrais être ma mère. Ah oui, clairement. Bon, et après le pas est passé et aujourd'hui je regrette pas. Non mais voilà, après t'as une expérience, c'est cool. Attends, on va demander à Marie aussi, tiens, mais qui a 45 balais, tiens. Salut Marie. Salut. Comment ça va, Belfort? Salut. Ça va, tranquille. Très bien, bienvenue Marie, faut arrêter de fumer Marie. Bon. Non, ben je fume pas, t'inquiète pas. Ah bon, bah très bien, bah je croyais. Que des Marlboro, c'est tout. Elle fume pas alors, c'est ça. Ok, non mais alors d'accord. Et alors qu'est-ce qu'elle boit la Marie? Ah bah oui, ça c'est clair. Ça y va. Bon, alors Marie. Moi j'ai bu aujourd'hui, mais bon. Ah, c'est exceptionnel. J'ai bu des bières, c'est tout. Ah, que les bières, mais enfin après un certain nombre, ça fait pareil que le reste. Bon, alors. Je m'en bats les couilles, moi. Ah bah oui, non mais t'as raison, dis donc. Marie, oh. Bon, hey Marie. Oui. Bon, alors comment ça se passe toi, la différence d'âge? Bah écoute, le problème c'est que bon, tu vois, mon homme, moi je l'aime. Ouais. J'ai une petite fille avec lui. Ouais. Et il y a mon ex qui est tombé amoureux de moi, mais moi j'en veux pas. Ouais. Ouais. Et, moi j'aimerais bien garder mon homme, quoi. Ouais, mais quel rapport avec la différence d'âge? L'alcool. Eh ben, le problème, c'est que lui, il a dit qu'il voulait arrêter. Mais qui? Ben, mon homme qui est au lit, là, en ce moment, là. Bon, quel âge il a, lui? Il a 31. Ah, non, 31-45, d'accord, ok, ouais. Donc, ça veut dire qu'on a, quoi, je dirais... 23 ans de différence. Voilà. Voilà. Donc, moi, le problème, c'est que j'ai pas envie de teindre, quoi. Ah ben, et lui, il veut arrêter. Et lui, il veut arrêter, mais... Et pourquoi il veut arrêter? Parce qu'il prend les cachets. D'accord. Alors, très bien. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'il les prenne, hein. C'est mieux, non? Qui c'est qui lui a donné les cachons? Qu'il prenne deux doses, bah, son dealer. Non, le problème c'est qu'il va chez le médecin et puis il demande. Donc il a peur de me perdre. C'est pour ça qu'il veut prendre les cachets. C'est cela, oui. Est-ce qu'il y a des petits dessins sur les cachets? Est-ce qu'il y a une tête de mort? Non. Est-ce que c'est livré dans une boîte ou dans un petit sachet en plastique transparent? Je sais pas. Ah. Est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Oui. Bon, alors très bien. Alors nous voilà rassurés. Nous voilà rassurés, ouais. Bon, eh ben écoute, il faut lui parler. Dis-lui, montre-lui tous les avantages qu'il a resté avec toi. Ouais. Je sais pas. Des fois, il est bizarre, hein. Ah oui, non, bah il y a pas. Il y a pas. Mais comment il s'appelle? C'est quoi son prénom, lui? Romuald Ferraro. Romuald? Bon, bah, oui. Bon, très bien. Bon, attends, parce qu'il y a Philippe, ça se trouve, vous allez peut-être faire des gosses. Philippe qui est avec nous, 47 ans également, là. Comment ça va, Philippe? Ça va, tranquille, ça va. Bon, bah, tant mieux alors. Ça va, Philippe. Bon, Philippe de Chalon-sur-Saône. Exactement. C'est quoi la grande différence d'âge, toi? Alors, la différence de moi, c'est terminé. Donc, on a eu 19 ans d'écart. 19 ans d'écart? Plus jeune ou plus vieux? 19 ans d'écart. Elle était plus jeune. Eh, plus jeune. Ah oui, forcément, toi, tu tapes dans la. Et... Hein, dans le bon, hein. Non, c'est elle qui est venue me chercher. Ah, c'est elle qui est venue te chercher? Voilà. Et elle avait quel âge? Elle avait, il y a 3 ans que c'est terminé, donc elle 44, voilà, quoi, elle avait 25 ans. Elle avait 20, wow. Donc en fait, toi, tu l'as prise du bon côté de la trentaine. Oui, c'est ça, c'est le meilleur moment. Ouais. C'est là où elles sont plus chaudes. J'ai une petite fille avec, qui est très mignonne et que je ne regarde absolument pas. Ah, bah super. Mais pourquoi t'es plus avec elle aujourd'hui? Bah, parce que voilà, trop vieux. Ah bah trop vieux, mais tu veux pas Marie? Elle est plus jeune que toi là, 45 ans là. De quoi? Elle a 45 ans Marie là, ça t'intéresse pas? Ah bah faut voir. Et elle a un bon lever de coude, il paraît. Ah bah. Je parle avec. Ah bah bien sûr. Eh bah Marie et Philippe, allez-y, attendez, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance. D'accord. Alors allez-y, hein, faites comme si j'étais pas là. Hein. Il s'appelle comment? Il s'appelle Philippe. Salut Marie. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, pas de soucis, donc j'ai entendu ton petit problème. Bah ouais, bah le problème il est résolu, hein, je te rassure. T'habites où? Donc, à Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire. Oh, c'est loin, moi j'habite. Mais non, c'est à côté de Belfort. Tu habites où, Belfort? Ouais, elle habite là-bas, ouais. Ah, Belfort, c'est pas loin. Mais non, c'est pas loin. Bah tu connais Belfort, alors? Bah bien sûr, je connais, je roule. Ah, t'es chauffeur ou camionneur? Avec sa voiture, pas de joint. Ah, t'es routier? Voilà. Ah, bah, il y a des routiers, des fois, il y en a qui sont sympas, mais il y en a qui sont. Mais il y en a qui sont des obsédés, quand même. Ah, bah, ouais, non, plus maintenant, tranquille maintenant. Ah, tranquille. Oui, d'accord. Le jour que je serai célibataire, je t'appellerai, il n'y a pas de problème. Elle a rien compris. Bah, voilà, bah, écoute, s'il est dans le lit, faut le finir. Mais y'a pas de soucis. Parce qu'il y a une radio, faut pas qu'il dise à la radio, hein. Mais non, y'a pas de problème. Non mais j'ai une radio, hein. Moi aussi, je la connais, je l'écoute toutes les nuits. Bah, moi, j'écoute tous les jours. Bien sûr qu'ils sont capables, je te rassure. Ah ouais, bah, moi, j'écoute tous les jours, hein. D'accord, bah, pareil. On est, ça veut dire qu'on mérite. Tous les soirs, j'écoute. Pas de souci, mais y a pas de souci, mais Bon, alors, ça nous fait des petits ou pas, ça? Ah bah, faut voir. Faut voir, hein. Bon, faut, bah, voyez-vous. On va vous allez échanger les numéros de téléphone et puis on sait jamais. Hein, vous ferez des petits en plus. Vous êtes pas loin. Il faut comprendre aussi. Moi, voilà, moi je veux pas être célibataire maintenant. Moi, je garde quand même remue, quoi. Ouais, mais enfin, lui, il veut se barrer, donc dans l'un dans l'autre. Avec Philippe, après, tu seras mieux. Hein. Bah oui. Voilà, après, on verra. Après, on verra. Bon, bah très bien. Mais merci Marie, merci Philippe. Hein. Ciao, ciao. Salut bien. Vous deux, à bientôt. Ciao, merci, bisous. Ciao, salut à vous là. Ouh là là là là. Il y a Julien qui dit pété de rire. La femme là, attends, c'est quoi? C'est attends, la femme déchirée, mort de rire. Putain, je pleure de rire. Le prince là, qui dit Marie et Philippe, un couple prometteur, évidemment. Et Valo qui dit c'est cela, oui, magnifique, Mickaël, je peux plus m'arrêter de rire. Il y a Franck qui dit là, tu es tombé sur du lourd. Ah oui, oui, je te le confirme, effectivement. Pour les sons là, il y en a qui demandent. Il y a Mick qui dit The Day That Never Comes de Metallica, please. Oui. Alors, est-ce que tu étais sur fanradio.fr? Et en bas du logo, donc le logo rose, jaune, bleu, tout ça, etc. Et puis en dessous, il y a un petit texte. Ouais. Et qu'y a-t-il de marqué? Bah, le son dance floor. Voilà. Bon, il y a donc Julie avec nous de Noyon, là. Julie, bonsoir, Julie. Salut, Mika. Ça va? Ça va super, et toi? Bah, très bien. Alors, ta plus grande différence d'âge, toi, c'est quoi? 22 ans d'écart. Ah oui, quand même? Ouais. Mais alors, c'est-à-dire? Là, ça s'est fini au mois de juin, donc mon ex a 46 ans à l'heure actuelle. Et il est décédé? Et je pense qu'il a des tendances maintenant avec le recul. Ah merde! Non mais comment ça se fait que t'as pris un mec aussi vieux? Bah, c'est pas 46 ans, il est pas vieux, mais par rapport à 22, oui quoi. Bah, oui, mais je l'ai connu. Non, non, non, justement, il était fauché. En plus, toi t'as vraiment rien compris en fait. Bah ouais, un vieux fauché, à quoi ça sert? Bah. Aucun pas. Intérêt, aucun. Mais il travaille aucun. En boîte de nuit en fait. Ah. Donc Jean-Pierre Sauzère. C'est un videur. Ça va pas la tête. Bah je sais pas moi. C'est un videur. Non, c'est le mec qui nettoie à la fin. C'est le serveur. Ah, c'est le serveur. Dans une boîte de nuit à 46 balais. Pas mal. Non, le mec. Oui, mais il était pas ses 46 ans, il le sait très bien en fait. Ah, mais enfin, il les a quand même, hein, ça, on peut ne pas les faire. Mais... Voilà, mais un serveur fauché, c'est un serveur qui a pas réussi, hein, parce que j'ai arrêté les pourboires. Mais il travaille en boîte de nuit, il ne travaille pas à la semaine. Donc, avec tous les pourboires, est-ce qu'ils te mettent dans la poche au black, il y a un moment, il y a un problème. Hein. Et normalement, ça rentre tout seul. Il faisait pas de black, il travaillait pas la semaine. Il travaillait le week-end en boîte. Bon, d'accord, ok, très bien. Et donc, du coup, t'es plus avec lui, mais tu regrettes ou tu regrettes pas? Ah, je regrette pas du tout, hein. C'était une expérience de 3 ans, maintenant c'est fini. Et ah voilà. Oui, quand même 3 ans, hein, c'est pas mal. Non, ouais, 3 ans, je suis passée de 20 ans à, juste 23. Avant mes 24 ans, c'est séparé en fait. Oh. Et qu'est-ce qu'elle l'a pompé sous le bar? Ah bah oui, là, ça c'est autre chose après. Hein. Bon bah très bien. Je raconterai pas. Oui, non, bah c'est sûr. T'inquiète, on fera des films. Donc ouais, bah t'étais déjà passé cette semaine toi Julie, non? Oui. Très bien, donc tu quand j'étais chez Olivier. Voilà, donc tu viens nous rejoindre évidemment justement à Noyon, parce qu'on se rend direct là-bas dimanche soir. Bon, attends, Julie reste là, il y a Carla également là de Nantes. Salut Carla. Oui, bonsoir Mickaël. Bonsoir Carla, comment vas-tu? Ça va. Très bien, tant mieux. Alors Carla, toi tu es sortie avec un mec de plus jeune, plus vieux? Plus jeune. Plus jeune, en fait, quel âge? De 33 ans d'écart. Non. Et il avait quel âge? Bah, non mais c'est encore une histoire existante en fait. Donc il a 19 ans et j'en ai 52. Quoi? Quoi? Ah ouais. Tu pourrais être sa grand-mère là, on peut le dire, hein. Je pense qu'on peut balancer les dossiers. Ah ouais. Mais alors tu ressembles à quoi techniquement? Parce que putain, maintenant que tu m'en parles, j'étais tombé sur un article sur internet. Alors attendez, permettez-moi. Je vais essayer de retrouver, calmez-vous, Tof, calmez-vous. Vas-y. C'est la première fois que je suis une grand-mère, ça me fait plaisir. Alors Carla, combien mesures-tu? 1m67. Combien pèses-tu? 59 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Est-ce qu'ils tiennent toujours tout seuls? Oui. Non, il y a des équerres en dessous. On sait jamais à ce stade-là. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Ah oui, elle est bonne la vieille. Ah, elle est pas mal. Bonne, bon, par respect, je mettrai pas la musique, mais bon, quand même. Ah, si, en fait, j'ai trouvé sur un site, c'est Christine Brinkley. Je sais pas si tu connais. Non. Tu connais? Bah, en fait, c'est une meuf qui a 60 balais. Et comment te dire qu'en fait, elle fait plus jeune que la majorité des jeunes d'aujourd'hui, quoi. Sérieux? Ah ouais. Bah attends, je vais vous la mettre sur le Facebook là. Regardez. Je veux voir. Donc là, c'est une mannequin américaine. Elle est mère de 3 enfants et elle vient de faire 60 ans et toujours méga bolasse quoi. Hein. C'est juste qu'elle elle fait des soins du visage, etc. Elle fait du yoga, etc. Et non, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Même pas de chirurgie. Hein. Eh ben. Ah ouais, ouais, je suis surpris là. Je vais vous mettre le truc là sur le Facebook là. Attendez, je suis en train de faire ça en direct là comme ça. Hop là, c'est fait. Et donc du coup, toi, t'as pas de regrets, Carla, c'est ça hein? Non, non, non. Bah disons que ouais, c'est une expérience. Bon, c'est quelquefois un peu gênant. Oui, non, mais pourquoi pas après, voilà. Hein. C'est vrai que c'est un peu jeune quand même. Et Vanessa aussi qui est avec nous là de Suisse. Salut Vanessa. Hello. Hello. Hello. Comment ça va, Vanessa? Bonsoir. Ça va bien, merci. Très bien. Bon, alors, Vanessa, on t'écoute. C'est quoi ta différence d'âge? 20 ans. 20 ans. Ah oui, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Il avait quel âge? Ou elle, je sais pas. Ah bah, il a 5 ans pour le moment. Non, non. Ah, bah, bravo, Non, il a ça. Toujours 45. Il a 45. Oh, ça, oui. Ça va. Bah, ouais, non, ça va encore, ça va encore. Et quoi, il est banquier? Non. Il fait quoi en Suisse? C'est un dictateur, c'est un dealer. Non, il travaille à... Un ministre français. Non, pour les forces aériennes. Ah, un militaire. Oui. Ah, ça tombe bien, moi et Mickaël, on veut faire un tour dans un chasseur militaire, un avion militaire. Ah bah ça. Ah bah oui, attends, évidemment, tu nous invites, non? Je te file un pack fun. Ouais, bien sûr, non. Attends. Allez. Un tour en chasseur contre un pack fun, moi je trouve que c'est honnête. Mais ouais, c'est ça. Ça me paraît la moindre des choses, je trouve. Hein. Je trouve. Bon, c'est pas très grave. Bon, quoi qu'il en soit, donc ça va. Toi, tu regrettes pas non plus, t'es encore avec lui là, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Et ça se passe bien, la famille vit bien? Oui, oui. Bon, j'ai envie de dire tant mieux. Militaire, ça passe toujours bien, tu sais, t'évites de t'embrouiller avec ce genre de mec. Ouais, ouais, non, bah c'est clair. Je vous ai mis la photo de Christy Brinkley, là, qui a 60 ans, sans chirurgie esthétique. Franchement, la meuf, elle fait une petite, mais même pas une quarantaine. Hein. Ah non, elle est... Oh là là, franchement, elle fait une bonne trentaine. Ah mais, ouais, bonne, sauf qu'elle a le double de l'âge, quoi. Donc allez voir si vous avez le Facebook ouvert ou le Twitter, tapez Mickaël officiel, c'est de la folie. Je lui casse le coccyx. Merci. Mais non, elle est super bien conservée. C'est un truc de dingue, sincèrement. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Bon, bah Jennifer, Carla et Vanessa, je vous fais des gros bisous, les filles. Merci d'avoir appelé. Gros bisous, ça marche. Et, vous revenez quand vous voulez. Je vous embrasse. Salut, les filles. Salut. Ciao. Polo contre le reste du monde dans quelques minutes sur Fun Radio. Il est 2h du mat. On va se faire le son de Fallwood maintenant avec Changes. C'est bon ça? Hop là. Ouais. Et puis on revient juste après sur la nuit sans pub sur Fun Radio. Là, bienvenue si vous débarquez. C'est Mickaël No Limit. On est là normalement jusqu'à 2h. Fallwood et Changes à l'instant sur Fun Radio. Allez, bienvenue si vous arrivez, il est 2h04. On va se faire le top tweetos dans quelques minutes. Ouais. Et puis bah comme tous les soirs, hein, vous en avez pris l'habitude. Si pas, vous allez l'apprendre. Polo against the rest of the world. Non. Bienvenue dans Polo contre le reste. Non, avec Polo et le reste. Qu'est-ce que tu racontes? Le reste du monde. Il oublie. Depuis qu'il y a une chemise, c'est plus le même. Nous sur Fun Radio, on va commencer tout de suite avec. Ça va JB ça. Allô Polo, Mickaël. Ouais, ça va. Ça va? Ouais, toi? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai un gros problème, je suis timide avec les filles, j'arrive pas à m'en sortir. Bah, je sais pas quoi faire, moi. Ilyes ou Elias? Ilyes, dans Polo contre le reste du monde. Allô? Ouais, je t'écoute, Ilyes. En fait, je voulais juste savoir, est-ce que t'es puceau? Non, bah oui, y'a que toi qui as couché avec des filles dans le monde entier. Sullivan! Oui, c'est du Polo. Salut Sullivan, t'es... Parle-moi fort encore. Hein, ouais, c'est ça. Et plus loin de ton téléphone, Sullivan. Toff. Ouais, Polo. Ouais, ma gueule. Ouais, voilà, je t'appelle parce que... Ah, c'est le vrai Toff. Bah ouais, c'est le vrai Toff, en fait. D'accord. Voilà, moi, je voulais que t'appelles ma meuf, en fait, pour lui souhaiter bon anniversaire, quoi. D'accord, je l'appelle tout... T'es là? On le fait maintenant? Bah ouais, moi, je suis là. On l'appelle. Chérie, je suis un soupir. Toff. Ouais. Tu commences, hein? Ah ouais, c'est moi qui parle. Ah bah oui, je vais pas parler à ta place, cette de gland. Allô? Oui. Ouais, allô chérie? Oui. Ouais, voilà, en fait, je voulais te dire qu'on était sur Fun Radio et en fait, je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, Polo, t'es là? Je suis en train de vomir là. Vas-y, continue, Toff. Non, voilà, parce qu'on est en direct sur Fun Radio et ça me faisait plaisir de souhaiter un bon anniversaire à la radio, quoi, tu vois. Depuis le temps qu'on est ensemble, mais qu'on s'est pas vu. Ah bah oui. C'est Let's Be Freak, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Voilà. C'est moi? Bah oui, c'est toi, non? Je suis pas sûr, attends, voilà, j'ai... Oui, c'est moi. Bon, bah bon anniversaire, Let's Be Freak, de notre part, depuis le temps qu'on se fréquente via via les réseaux sociaux. Et je voulais te dire que j'allais t'envoyer un gros god de passagedudésert.fr. Bon, Tof, t'as fini, tête de con là. Ploganal. Bon, merci Let's Be Free, t'as quelque chose à rajouter? Je vous aime, c'est ok, tout. Merci voilà. Beaucoup, c'est pareil. Tof. Ouais. Tu restes là, sac à merde, ok? Ah bon, je peux pas. Non, tu restes là. Mickaël. Oui. Ouais. Mickaël. Oui. Oui. Je t'écoute. Bah, j'ai du mal à parler. Alors, oh là là, et bah apprends à parler, qu'est-ce qu'il est con celui-là, Ilyes, de retour. Ouais. Je t'écoute. Un Tof peut en remplacer un autre, putain, tous les mêmes les Tof. Mais t'es vraiment bête. Ilyes, est-ce que t'es bête? Je peux te dire oui, mais je vais te dire non quand même. Et bah moi je te dis dégage d'ici. Sullivan, pour terminer. Oui, je suis... T'es mon idole. Je te remercie. Tof, le retour. Ouais, non. Attends deux secondes. Vincent. Oui, salut Polo. Salut Vincent. Bah écoute, je voulais te dire, en fait là je suis au pays des merveilles et je viens de voir une soucoupe volante en fait qui vient d'atterrir juste à côté de chez moi. Je voulais savoir si c'était normal Polo. Bah c'est parfait, bah tu sais quoi, tu vas aller les voir et tu arrêtes de me casser les couilles, dégage d'ici. Mickaël, le retour. Ouais, c'est moi. Ouais. Bah j'ai du mal mais bon, j'ai essayé pour toi. Bon, tu sais ce que tu fais, tu lui mens, tu lui racontes un mytho et puis tu couches avec elle, tu la dégages, ça va aller? D'accord. Okay. Allez, casse-toi d'ici. Sullivan, pour terminer, ce Polo contre le reste du monde. Moi, je suis pas timide, mais je veux bien te parler plus longtemps que possible. Avec qui? Bah, avec toi. Mais je veux pas parler avec toi, Sullivan. Casse-toi, et pour terminer, ce Polo contre le reste du monde. Nous avons cet énergumène, cette espèce de légende urbaine, ce monstre, Tof. Oui, c'est ouais. Moi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bah rien, que je voulais te remercier d'avoir pu étaler mon amour au grand jour avec les SBFX et ça m'a fait plaisir de faire ça dans ton émission qui est quand même une très grande émission de radio suivie par des millions de gens. Arrête de me sucer la bite, Tof. Des milliards, des milliards. Tof, des milliards, ouais. Dégage d'ici. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Encore un bon anniversaire à Let's Be Freak et puis je vous embrasse tous et puis peut-être à demain. Qui sait ce que la vie nous réserve. Exactement. Merci. Voilà. Eh ben on est bien là, on est pas mal, on va se faire le top tweetos là avant de partir, ouais. Évidemment comme tous les soirs. Et puis on va également se faire le générique de fin. Top tweetos d'abord. J'avais pas donné de classement donc normalement ce sera le numéro 1, sauf si le numéro 1 j'ai gagné, bah, ce sera le deuxième normal. Et ainsi de suite. Non, c'est normal que ce soit le numéro 1 aujourd'hui. Bon, numéro 5. C'est Sheva GTR. Numéro 4. Cédric. Numéro 3. Le Prince Nadia. Numéro 2. Magda. Et numéro 1. Let's Be Free. Ta meuf donc. Bien sûr. Voilà, c'est ça, qui repart avec le sextoy puisque c'est anniversaire. Bah c'est allez, normal. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Même si on avait déjà gagné. Un truc bien sale. Vois exactement que Tof aura déjà utilisé. Oui, je me le serai inséré. Quelle heure. Et non lavé, bien entendu. Ah oui. Voilà, eh bah évidemment, ouais. On va revenir demain à partir de 23h. Et avant de partir, eh bah générique de fin. Ouais, Polo va-t-il le foirer encore une fois? On verra je bien. Je vais mettre debout, c'est mieux. Satan de merde, toi l'enculé. Tu suces des blés, Tof, toi suces, voilà. Toi l'enculé. T'aimes tellement. Putain. Et voilà. Comme toi. Toi l'enculé, car t'encules ton oncle. Qu'est-ce qu'il est mauvais. J'ai toute la journée. Je te brise les os mon gars, je t'encule au passage. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Ta mère a le sucer les piteux de culier, côtier. Petit enculé. Petit enculé. Va te faire enculer, gros combattant. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Je t'emmerde. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette pour ce trou du cul. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi le JB. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites à te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Putain, donc c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ma bite. Eh ben voilà, merci Lilou comme d'habitude d'avoir été au taquet. Merci à Marine également qui avait envoyé. Ah non, c'est oui Marine qui dit même quand le moral va pas bien, vous écoutez, ça fait du bien. Déjà à l'époque sur notre radio c'était le cas. Merci de merci de faire ce que vous faites. Merci Marine, je te fais des bisous. Mika qui dit il veut que Marie arrête de boire. Oui c'est mieux. Et Guillaume qui dit au fait vous avez fait souffrir JB pour ses 4 ans de radio. 4 ans, ça se fait même pas. Et Jimmy aussi qui dit l'âge, on compte pas du temps qu'on aime. Oui, c'était pas très français, mais effectivement, on a compris ce que tu voulais dire, quoi qu'il en soit. Minable. Oh, c'est on nul. Dirait 5 minutes. Voilà, allez, on se retrouve demain 23h pour la dernière de la semaine. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Tof est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Hey. 4 ans de radio. Et ouais, les gars, mais c'est ridicule. C'est pas 4 ans de radio, c'est 4 ans de fun radio. Mais donc, ouais, donc 4 ans de radio. Bah, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à fun radio, les gars. Et t'as fait quoi avant? J'en avais 16 quand j'ai commencé à fun radio. Ah, mais t'as commencé sur des petites radios, moi aussi. Non, sur fun. Sur fun à 16 ans? Bien sûr. Fun quoi? Fun Tahiti, trop du cul. Fun Tahiti. Oh, ça c'est énorme. Fun Tahiti. Il est con, alors, si, je te jure. Et l'autre, c'est énorme. C'est énorme. 4 ans de radio, mec. Qu'est-ce que c'est, radio? C'est ridicule. 2 ans et demi à Toulouse et 1 an et demi à Paris. T'as compte pas Toulouse? Bon, bah, 1 an et demi alors. Voilà. Mais ridicule. Pourquoi? On embrasse Anne. Bien sûr. Ouais, au passage, non, ouais. Je la bourre. Oh, JB, ça va pas ou quoi? C'est ma mère. Non, c'est pas ta mère. Ah non, c'est pas ta mère, parce que physiquement elle est quand même vachement plus mignonne que toi. Ouais, ça aurait été quand même un accident, ou alors fallait vraiment avoir un père moche pour sortir un JB de... Quoi, tu montes du doigt? Je suis pas ton père. Ah non, faut quand même pas déconner. J'ai 22 ans. Je vais l'appeler. Appelle-la. Ah, on l'appelle. Et là, il va y avoir des représailles. Ouais, bah, elle va je n'attends dessus, que ça qu'elle voilà. me batte, qu'elle ça me va être parfait. En plus, maintenant, il se met en chemise et tout, là, il est au non, top. Mais alors, là, gosse polo, ou pas Polo, tu m'excites un peu. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu tous tes pulls dégueulasses et puis ton t-shirt dégueulasse avec Mickey dessus, je me dis, je vais mettre une chemise. Non, c'est Mickey fantôme, c'est pire. Ouais, mais ouais, les gars, c'est la classe. Ouais, je veux pas être assimilé à ça. Swag. Polo, tu me déçois. Tu me déçois. Ah ouais. Des swag. C'était pas bon. Voulu. JB la nuit. Oui. Attention. Ah. J'ai fait une réunion avec moi-même aujourd'hui. Oh. La réunion de JB la nuit, donc. Dans les chiottes, ouais. Et nouvelle rubrique. Alors vers 3h15. Est-ce que le sous-chef et sous-chef sont au courant de ce bordel? Non, évidemment non. Mais je prends la décision tout seul. Et est-ce que Jérôme est au courant? Comment? Hey, tu dis, ne parle pas mal de Jérôme. Non, je te pète la gueule. Est-ce que Jérôme, le patron de la radio, est au courant? Non, jamais. Comment? Eh bah, tu le fais pas. Mais je t'interdis. Voilà. Mais moi, je suis ton directeur, voilà. Aujourd'hui. Les gars, oh il est marrant quand il s'énerve. Donc, hashtag on aime les blagues de JB Fun Radio. Vous me faites des propositions de vannes. Et la meilleure, celle qui me fait le plus rire, je la passe à l'antenne. Oh, que c'est nul! À 3h, 3h15. Mais c'est nul! C'est nul! Moi, je croyais que t'allais nous ramener des puces, t'allais faire un truc classe! Je croyais que t'allais faire un bar à pute dans le studio. Non, les gars, je suis marié maintenant. Je suis marié. Amande avec qui? Bah, va à New York là. Non, on balance pas les vannes à l'antenne comme ça. Non, hashtag on aime les blagues de JB Fun Radio, voilà. Et content. Voilà, j'attends vos propositions de vannes. Très bien, mais vous emballez pas trop non plus, hein. Voilà, d'ailleurs un message pour JB, évidemment de la part de Polo. Je te brise les os mon gars, je t'encule au passage. Ah, oh, ça c'est voilà. Bon ça. Eh bah oui, il est content. Bon, on va se mettre quoi là? Eh bah écoute, alors moi j'ai une programmation faite donc par les boss de la radio. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, c'est bon, pour moi Eric Arborès, c'est le deuxième titre. Très très ah bonne non, nouveauté. Ah non, parce que là il est marqué 2h30, Eric Arborès. Non, mais écoute, moi j'ai une programmation, moi j'ai Tropical Family et Enamorame. Voilà, c'est écrit hein. On aurait dû parier sur ce truc. Non, écoute, écoute, parce que. On va respecter. Mais justement, je préfère que ton pic d'audience se fasse plus tard. Comme ça prouve que ça grâce à toi. Non mais l'audience, et les gars, c'est mon émission. Mais justement. On a travaillé la programmation musicale. Ouais. Et donc là, voilà, Eric Arborès, c'est le deuxième titre, je vois très bien. Bah, en même temps, Tropical Family. Techniquement, il est 2h13, donc là normalement on doit se quitter avec Adi et Born Again. Ce qu'on va faire directement d'ailleurs. Ça m'arrange pas. Passer une bonne nuit justement pour le faire chier, je vais le mettre. Tiens, Born Again maintenant avec Asi. Et enfin c'est Asi avec Born Again. Et puis on se retrouve demain à partir de 23h après le Vin Fun hein. Et n'oublie pas tout à l'heure à partir de 6h c'est Bruno dans la radio. La France. Ouais évidemment. Allez bonne nuit hein. Tropical Family les gars normalement. Bon allez d'accord, ok, voilà. Voilà, c'est Selena Gomez. Slow down. Allez. Bonne nuit tout le monde. Hein. Now that I have captured your attention, I want